On va se retrouver dès demain sur Fun Radio. 20h, on sera là. Ça va être une belle soirée. Ah, bien sûr, oui. Avec une after striptease. C'est plutôt cool. Quoi? Ah, bah, tu pourras pas, toi. Ah, tu seras à l'antenne. Désolé. Dommage. Mais on prend des photos, si tu veux. Ouais, ou alors si tu envoies un envoyé spécial Polo ou Toff. Moi, je suis d'accord. Non, ou alors je m'envoie en envoyé spécial. Je pense que l'idée est vachement meilleure comme ça. À mon avis, mais bon. Faudrait que vous soyez en forme pour dimanche soir, les amis. Hein. Enfin, nous, on n'a pas besoin de 3 jours pour s'en remettre. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est fait, effectivement. Bon, striptease demain soir, vous êtes cordialement invités. Ah, bah, le pass, c'est Love and Fun pour entrer. Très bien, parfait. Ouais, on va y aller. Eh ben, écoute, nous, on est OP. Là, on est bouillant. Toff et Polo, là, ils attendent que ça. Donc, déjà, à ce niveau-là, on est tranquille. Je vois Polo, il a déjà la gaule. Ah, bah, complètement. Là. Une grosse érection, là. Ça se voit déjà, la table du sud est en train de monter. Bon, rendez-vous demain soir. Exactement. Allez, bonne nuit à vous. Salut. Retour avec Kevin Fun, évidemment. Retour demain soir. Ce sera déjà la dernière. Ouais. À partir de 20h. Oui. On sera là, ouais. Allez, bonne émission. Soirée. Ciao. Bisous à demain. Salut, à demain. Ciao. Bye. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Allez vous faire foutre. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ce soir. Que vous êtes en pleine forme. Et on est mercredi. Bah oui, ça passe vite déjà. Déjà milieu de la semaine. Alors je m'appelle Mickaël. Pour ceux qui viennent de débarquer, l'émission c'est Mickaël Nos Limites. On n'a pas changé le nom entre temps. On est avec vous du lundi au jeudi de 23h à 2h. Et puis le dimanche évidemment de 20h à minuit. Pour parler de ce que vous voulez. D'ailleurs c'est comme ça le principe. Vous venez prendre le contrôle de Fun Radio. Et pour venir prendre le contrôle de Fun Radio, il y a deux numéros. Un pour la France, un pour la Belgique. Celui pour la France, le 01 42 48 5000. Et celui pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis vous passerez à l'antenne tout simplement comme Nicolas qui est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va, mais ça fait chelou le son en fait. Ça fait chelou le son? Pourquoi? Ouais. Tu n'aimes pas ma voix dans le téléphone? En fait d'abord j'entendais plus rien et après mais là ça va quoi. Ah maintenant bien. Ça fonctionne très bien, ouais. C'est parce que Toff est allé avec sa pelle. Et il a été réparé, il a été réparé tout ce qui n'allait pas. Mais c'est bon là, tout est rentré dans l'ordre. J'ai laissé traîner mes doigts n'importe où. Tu m'entends bien là, c'est bon hein? Ouais, y a pas de problème. Bon, très bien, parfait. Dans le pire des cas, de toute façon Toff est toujours avec son scooter. Au cas où. Il intervient. Voilà, hein, c'est ça exactement. Il fait partie du service de réparation, service technique. Là, c'est la maintenance. Voilà, je suis là pour sauver l'émission. Exactement, parce qu'on sait bien que Toff est une grosse salope. Toff en est une belle. Toff en est une très belle. Bon, dis donc, Nicolas, t'as passé une bonne journée? Moyen en fait. Moyen, bah qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, mais c'est lycée en fait, c'est tout pourquoi j'appelle en fait. Ah d'accord, ok. Bon bah écoute, on en parle dans quelques minutes. Sandro a passé une bonne journée, elle? Ouais, très bonne. Tranquille? Ouais. Une grosse salope. Toi aussi ou pas? Ah bon? Ah je sais pas, je pose la question. Pas en ce moment. Parce qu'on s'est fait de nouveaux amis hier soir, si vous n'avez pas suivi l'émission, comme vous pouvez le remarquer. Et donc bah voilà, on voulait savoir hein, si c'était comme ça chez toi aussi. À mes heures perdues, ça peut m'arriver, mais d'accord. Pas en ce moment. Bon, très bien, pas trop dur ton dernier jour de régime? Mon premier? Ah je sais pas, il semblait que c'était fini moi. Parce que hier elle a pété le 4 quarts qu'il y avait dans le bureau. Elle a dit non mais j'arrête, marbré, je la vois quatre sortir. Je la vois sortir du bureau donc à la fin de l'émission à 2h30 du mat avec un morceau de 4 quarts dans la bouche. C'était hier ça. Ouais, alors que je rappelle que Paul me fait ouais bon on va le jeter ce truc là, personne veut le manger machin. Je fais non garde-le, on sait jamais. Et ça, on a même proposé à Dario, il a dit non. Voilà, Dario, il a dit non, j'en veux pas. Exactement. Bon, donc si vous voulez l'appeler 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour l'encourager dans son régime. Toff qui va bien également là, heureux de tes nouvelles rencontres, de tes nouveaux amis d'hier. Oui. J'ai tellement mieux dormi. Ah ben on a eu des beaux hein. Ouais, et ma bite sur ton front. Ah ben voilà, on a eu également celui-là qui était quand même un des plus violents. Votre grand-mère est suce des nains. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? Bah oui, c'était Toff, monsieur, c'était Toff, voilà. Et tu enculé, toi. Ah oui, bah c'était Toff aussi. Et ta mère la pute, est-ce que je l'avais sous les soirs, sale bâtard? Ah, on a eu des bons, hein. Sale con. Voilà, c'est ça. Bon, bah j'espère qu'on en aura un autre, en tout cas, parce que qu'est-ce qu'on s'est marré hier soir, c'était la folie totale. Bon, si vous avez raté l'émission, vous avez raté une belle émission, je peux vous le dire, mais vous rassurez-vous, on va tout faire pour faire mieux encore ce soir. Est-ce que t'écoutais l'émission hier, Nicolas? Non, hier soir, non. Oh là là, t'as raté, t'as raté, t'as raté là. T'as raté tous nos nouveaux amis. Bah oui. Un sale con. Exactement. Et bah du coup forcément ça tire la gueule. Bon c'est pas grave. Bon après tant de gentillesse évidemment, il y a Polo qui nous joue toujours un petit peu de pipeau là. Est-ce que t'es prêt? Attends, je sors l'instrument de son alors, étui. Alors attention. Alors cette fois-ci j'aimerais bien que tu me fasses le son de Avicii. Ok. Attends, laisse-moi me le mettre en en bouche. Ouais, mets-toi en bouche. Parce que pour souffler c'est la bouche. Voilà. Et j'aimerais que tu me fasses le son d'Avicii. On y va. Je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Bon attends, je coupe tout. Je veux que tu la fasses au pipeau. Attention, c'est parti. Oh, quel talent! Merci. Oh là là! Merci. Je suis fort, ce putain, genre, mais tu sais que les jours passent comme ça, j'en reviens pas, quoi. Ah, ouais, cette espèce de sur-talent comme ça, c'est exceptionnel. Je t'en remercie, Mike. Tu peux me faire Britney Spears? Ouais. Je me le mets en bouche. Vas-y, mets-le en bouche. Ça va là, c'est bon? C'est parfait, c'est bon. Bon attends, j'arrête tout, vas-y, fais-le, attends, t'es prêt? Attention, Britney Spears, hein. Attention, vas-y. Oh putain, oh, là, putain. Polo, bravo! Oh là là! Magnifique, je ne sais que dire, je reste bouche bée. Merci. Oh, c'est exceptionnel. Grâce à toi, tout ça. Ce grand talent que nous avons dans le studio. Mais oui, exactement. Il y a Radio Classique qui avait essayé de nous le piquer, on a dit non. Non. On a dit hors de question. Bon, on va faire également ce soir le top tweetos, hein, comme chaque soir. Alors, si vous ne connaissez pas encore, eh bien, il suffit de faire un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. Et puis, à la fin de l'émission, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs. Alors, il y a beaucoup de changements en ce moment dans le top 5. Donc, allez-y, hein, vous avez toutes vos chances de terminer premier, justement, du top 5. Allez-y, je vous souhaite bonne chance. Il suffit de mettre un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Côté son, évidemment, il y a le son de Britney Spears. Qui passera tout à l'heure là avec Work Bitch. Je vous cale aussi Back Your Mat avec Van Dyck. Le son hollandais. Et puis Will.i.am. Hein. T'aimes bien Nicolas, un de ces sons-là, ou tu préfères autre chose? Dis-moi. Hein. Britney Spears, et sinon j'aime bien Michael Moore en fait. Macklemore, c'est pas Michael Moore, hein, c'est Macklemore. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, je croyais que t'avais dit Michael. Très bien, bah Macklemore, bon, on le sert de le mettre tout à l'heure, hein, si tu veux. Lequel tu veux? White Wolf. Où est-ce qu'il est celui-là? Je l'ai, on l'a déjà mis plein de fois, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Je l'ai plus. Ah, c'est dommage ça. Non, bah si, je l'ai, mais je sais pas où il est planqué là parmi tous les autres. On te l'a caché. Ah non, bah non, ça c'est le vieux, ça, Can't Hold Us. Bon, bah écoute, je l'ai quelque part, il faut que je le trouve. Tu me laisses un petit peu de temps? Ouais, pas de problème, mais bon. Là j'entends super mal de nouveau. Oui, c'est normal, t'inquiète pas, il y a le service technique qui va y aller là avec Toff. Je descends, problème. Je descends. Ah, ben, voilà. Voilà. C'est celui-là, hein? Ouais. Et chez Britney Spears, je kiffe bien aussi. T'inquiète pas, Britney Spears, on le mettra de toute façon et on te mettra aussi le Michael Moore avec White Walls avec plaisir. Bon, et puis des cadeaux aussi, hein, j'allais oublier, la cadeau PlayStation 3 ce soir qu'on va vous offrir dans le Je t'emmerde, puisque ce soir évidemment c'est le jeu du Je t'emmerde. Je t'emmerde. Eh oui. Je t'emmerde. Eh oui. Exactement, c'est le jeu du Je t'emmerde ce soir. Donc si vous voulez jouer avec nous, le principe est simple, on appelle, vous êtes deux auditeurs qui vous affrontez en direct à l'antenne, on appelle des gens au hasard et le premier qui arrive à faire un maximum de Je t'emmerde dans une seule discussion logique repartira avec la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui n'est sorti qu'aujourd'hui et qu'on vous a offert en exclusivité. Aujourd'hui c'est plus le cas puisqu'il est déjà sorti. Non, c'est pas Ravioli, c'est pas du tout Ravioli. Voilà. Bon, alors si vous voulez donc jouer, vous appelez maintenant Sandro 01 42 48 5000 au jeu du Je t'emmerde, ou pour la Belgique 02 851 4x0, et puis un écran plat également à gagner Full HD et LED, ce sera dans la colle dans quelques instants. Mais avant cela, Nico, en deux mots, de quoi parlerons-nous dans quelques minutes? Bah, en résumé, en fait, il y a mes parents et mon lycée qui sont à fond, qui s'associent pour vraiment me faire chier, quoi. Tes parents et le lycée, mes parents et mon lycée, en fait, ouais. Bah, c'est-à-dire, t'as fait une connerie? Non, c'est pas ça, c'est que... Mais je sais pas, je croyais que j'allais dire en deux mots, donc en fait... Alors, reste calme, c'est notre nouvelle amie là qui s'emballe. Sandro, elle m'avait dit faut résumer. Oui, mais c'est pas grave. Là, du coup, ça va être. En gros, c'est quoi le détail? D'accord, ben le truc, déjà à la base, mes parents ils m'ont mis dans un lycée qui est vachement strict et en plus, en fait, ils refusent de signer des trucs. Ouais. Et donc, quand ils signent pas par exemple une interro, ben je me fais coller et si une vidéo, ils la signent pas et c'est fois deux en fait. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Bon, bah Nico, bah reste avec nous. Les autres, dites-nous si vous avez déjà eu des galères là avec votre lycée. Les parents, les profs, comment ça s'est passé? S'il y a eu des battles, je vous en raconterai un aussi dans quelques minutes. Là, il y a aussi eu un gros battle, un de ces jours. Je vous explique ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis on accueille Hugo également maintenant. Là, bonsoir Hugo. Salut. Comment Salut. Ça va? Ça va. Ça va. Oh, dis donc, Hugo, il va falloir te réveiller là. Excès de mollesse. Hein, qu'est-ce qui se passe? Mais fatigué, Hugo? Non, parce que Je suis un petit peu malade, c'est tout. Ah. Bon, alors Hugo, on y va. Tu vas peut-être repartir avec un écran plat Full HD LED pour toi, pour les parents, j'en sais rien. Pour ça, vas-y Hugo, fais péter la colle en direct de Marseille, Hugo. Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Comment, c'est tout, comment appelle-t-on la femelle du hamster, c'est ça? Oui. Bon, très bien. Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Eh, la femelle, pas la semelle. Non, pas la c'est semelle, important. La femelle du hamster. Très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous envoyez tout simplement M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Donc, hein, M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique par SMS. Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Si vous voulez lire la colle et y répondre, vous pouvez également aller sur le Facebook. Voilà, facebook.com/mikaelofficiel. Bon, bah très bien. Hugo, tu restes avec nous, on te reprend d'ici un quart d'heure et on donne la réponse avant 12h30, ok? Ok. A tout de suite, Hugo. Et je rappelle également donc que si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, c'est vous qui repartirez avec l'écran plat. Si personne ne trouve la bonne réponse, eh bien ce sera pour Hugo. Voilà, il y a Geoffrey qui dit, il y a Britney Spears avec World Beach et il y a Toff avec Je suis une bitch. Ah oui, ça c'est vrai, effectivement, puisque je rappelle que Toff est une belle... Une grosse salope. Et, oui, grosse également. Et Malo également qui dit, je peux avoir un message de bienvenue, bien sûr. Salcon. Voilà, et Kawet qui dit, tu peux donner un message de bienvenue pour mon chéri, s'il te plaît. Oui. Ouais, et ma bitch sur ton front. Voilà, et puis le Prasena qui dit je suis saut de ce soir pour passer une super soirée avec Mickaël No Limit. Bah ça tombe bien, nous on est en pleine forme également. En tout cas, soyez tous les bienvenus. On est ensemble, vous êtes chez vous bien sûr, évidemment. On est comme à la maison, tout le monde sur le Facebook et le Twitter de l'émission, l'Instagram également, hein, Mickaël officiel. Si vous me faites un follow, je vous ferai un follow également à mon tour. Et puis sur le Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux également, plus de 204 000 là, pour une émission qui a un peu plus de deux mois. Merci beaucoup, vous venez nous rejoindre évidemment, Mickaël officiel. Vous écrivez ça sur le Facebook et on sera de plus en plus nombreux grâce à vous. Voilà, et on va revenir avec dans un instant Nicolas par rapport aux parents au lycée et quelques petits bordels. Et Toff, j'ai une bonne nouvelle, j'ai encore une magnifique idée pour que tu puisses emmerder le monde ce soir. Ah. Voilà, donc comme ça tu vas peut-être avoir encore d'autres petites réactions. Votre grand-mère est sus des nains. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, si je lui arrive. Tu es enculé, toi. Voilà. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Voilà, donc ça c'était quand même, c'était gratuit. Hein. Mais si tout était gratuit, hein, c'est ça qui est bien. Bon, allez, soyez les bienvenus si vous voulez débarquer. C'est Mickaël No Limit, 23h12. On revient dans un instant sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous. Prenez le contrôle et pour prendre le contrôle, un seul numéro. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Et d'ailleurs, effectivement, le Paris Games Week, là, il y a la pub qui vient de passer à l'instant, là, pour ceux qui l'ont entendu. Et effectivement, on y sera. Ouais. Ah oui, on y sera. Donc, vous allez d'ailleurs continuer à aller voter aussi, hein, pour votre jeu vidéo préféré. On va élire le jeu vidéo de l'année. Allez sur funradio.fr, donnez vos avis, faites voter tout le bordel, là, qu'on puisse voir un peu comment ça se passe en termes de jeux vidéo. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on sera là, c'est le 28 octobre. C'est jeudi. Bon, fin du mois, quoi, en gros. Hein. Voilà, c'est ça. Jeudi, mais non, mardi, quoi. mardi. Enfin, bref, je vous donnerai la date exacte. Et donc, vous allez pouvoir. Bah, venir évidemment tester en exclu total la nouvelle exclusivité. Bon, vous êtes con quoi, la PlayStation 4, bande de mongols. La PS4 que vous allez pouvoir tester, elle sera là, vous allez pouvoir jouer avec, ça va être la folie totale. Enfin, quand je la lâcherai un peu quoi. Oui, bon, ouais, oui, c'est ça, voilà, on fera un petit FIFA, vous êtes bien. Bon, donc voilà, donc continuez à aller voter, funradio.fr évidemment, on attend tous vos votes avec impatience. Et puis on va se faire également la colle avec Hugo là pour gagner votre écran plat Full HD LED, il faut répondre à la colle. Donc, comment appelle-t-on la femelle du hamster? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez maintenant M-I-K-L, les 4 lettres par SMS au 64 900, je vais y arriver à retrouver le numéro de SMS. Hein. Mickaël est la réponse au 64 900. Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Si vous avez la bonne réponse, vous repartirez peut-être avec votre écran plat. Full HD, bonne chance. On écoute Will.i.am et Miley Cyrus maintenant. C'est Fall Down sur Fun. Bonne soirée. You make my world, you make my world go round. Un truc à dire. Mickaël. Oui. No Limit. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Et on écoutera Britney Spears à suivre également avec Work Bitch. Bah, ça fera plaisir à Nicolas quoi, c'est ça Nicolas hein. Ouais. Ah bah ouais, un petit Britney Spears là. Tu l'as vu quand elle avait sorti à l'époque? Bon bah évidemment c'était il y a longtemps hein. C'était Baby One More Time en mode petite étudiante. Oh là là. Ah ouais, bon c'était un petit peu avant 2000 hein, donc forcément ça date. Mais qu'est-ce qu'elle était bolasse. Oh, Oh là là. Sa petite combi cuir rouge. Ah oui, oui. Ah, le calbut de Toff s'en souvient. Hein. Oh là là. Oh là là, et pas que le calbut. Oh, mais c'était I'm a slave for you, ça, je crois. Ouais, il me semble, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Un esclave. Bon, voilà, donc Britney Spears avec Work Bitch, c'est ce qu'on va écouter dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez bien à l'écoute, il est 23h20, on va se faire le jeu du je t'emmerde aussi dans quelques instants. Si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'il y a une PlayStation 3 à gagner si vous êtes bon. PlayStation 3 et bien sûr aussi le jeu Beyond Two Souls. Voilà, qu'on vous a offert d'ailleurs depuis deux semaines en... Exclu. Exactement. Visibilité. Voilà. Donc si vous voulez jouer avec nous, vous envoyez, vous appelez maintenant simplement Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4 x 0. Voilà. Et déjà en top tweet ce soir, qu'est-ce que vous dites? Oh, là là. Oh bah, là là. Merci là là. Hein, nous on n'a pas fait grand-chose, mais merci à vous en tout cas. Et bientôt en première place. Bientôt on sera top tweet avant de commencer. Ah mais c'est ça quoi. Comment vous expliquer bon, que bah merci beaucoup. Voilà, tout simplement. Merci à vous. Message Audrey ici, comment on fait pour participer, pour répondre à la colle? Eh ben alors, soit t'envoies ton message, t'envoies Emickel espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 si t'es en Belgique, ou alors tu vas sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Emickel officiel. Audrey, il y a Paul PC28 aussi qui dit je t'emmerde, génial. Oui, ça va arriver, ouais. Et le Pipo qui dit salut, ça fait un mois que j'écoute Mickel No Limit, je pourrais avoir un message de bienvenue. Bah oui, le Pipo. Alors attends, le Pipo, moi je pense le Pipo que t'es une grosse salope. Ah oui, je pense le Pipo sifflant, hein, je pense que c'est ça, effectivement. Il y a Océane qui dit, je peux avoir un message de bienvenue? Ouais, allez, je t'en mets un, tiens, allez, hop là, voilà. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? Voilà, et puis Sunsun qui dit, moi j'écoute Mickaël parce que c'est une émission qui suce des nains. Exactement, oui, tout à votre fait. Votre grand-mère, elle suce des nains. Exactement, et Prince qui dit, une magnifique idée de Mickaël pour Toff, pour les appels. Hâte d'entendre de quoi il s'agit. Oui, ah bah ça va arriver, mais je peux vous dire que par rapport à celle d'hier... Non mais hier on était au summum. Ah, oh oui. J'ai envie d'en remettre une. Attends parce qu'on l'avait Attends. C'était lequel hier encore le plus chaud là? Je me souviens plus. Il y en a eu quelques-uns. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, parce que là le stagiaire il a écrit ça n'importe comment aussi. Il a écrit et ta mère. Oh, bah, je suis bien avancé, tiens. Fils de pute, oui je crois que c'est celui-là qui était bien, non? Je sais pas, vas-y essaye. Ah bah on verra, ouais. Attends, parce qu'il avait redécoupé le truc complet. Alors attends une seconde là. Voilà. Donc ça c'était l'appel qu'on avait fait hier avec Toff. Et donc c'était pour demander, je sais plus quoi. J'ai oublié, bon on s'en fout. Complètement un trou aussi, moi. Trop de mémoire. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. C'est l'accueil. Ah. Oui, allô. Correspondant vous a mis en attente. Ah bah non, c'est pas celui-là, alors attends une seconde, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Alors attends. Oh merde, je sais plus où il est, il a fait n'importe quoi, tout est dérangé. Bon, c'est pas grave, je vous le mets dans quelques instants. Ah si, ça y est, j'ai retrouvé. Alors, je me tâte. Oh, il y avait... Il y avait celui-là qui était pas mal, hein. Il y avait celui-là qui était pas mal, effectivement. On y va. Voilà. Alors attention. Voilà. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, oui. Oui, je m'appelle Toff. Et alors? Et alors, je voulais savoir si votre femme gardait ses chaussettes pour vous faire l'amour. Bien sûr, enculé. Voilà, c'était hier soir, c'était sur les chaussettes, effectivement. Donc on avait rappelé, hein. Ça avait donné ça. Et c'est pour ça qu'on s'est fait plein de nouveaux amis hier. C'était une bonne soirée. Alors. Oui, monsieur, c'est pas très gentil. Oui, monsieur, mais allez-vous faire enculer et votre grand-mère, elle suce des nains. Ah, c'était le moment là où il y avait la grand-mère qui suçait des nains aussi, ouais. Et puis après, il y avait celui-là qui était sympa aussi, mais alors attendez, c'était celui-là, je vous mets le premier, hein, vite fait en speed là. Voilà, et puis on en mettra d'autres tout à l'heure, hein, puisqu'on aura des nouveaux numéros d'ailleurs. Hein. Envoyez-les-nous des numéros de gens qui sont encore debout à cette heure-ci. Vous envoyez ça sur sandro@funradio.fr. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous gardiez vos chaussettes pour faire l'amour. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Excusez-moi. Elle m'a pas enculé, sale pédie. C'était gratuit, hein, mais c'était vraiment gratuit. Mais vous remarquez parce qu'il y en a qui peuvent s'imaginer qu'on les appelle avant pour les rendre fous. C'est faux, c'était le premier appel, donc Toff dit bonjour, va te faire enculer. Non, c'est pas vrai, faut dire la vérité, c'est le deuxième appel, on les appelle une fois pour voir s'ils décrochent. Oui, non mais d'accord, mais enfin je veux dire on les chauffe pas toute la journée. Non, donc il y en a qui pourraient s'imaginer qu'on les chauffe, etc. Non, les mecs c'est gratuit comme ça, c'est un truc de fou quoi. Le pire c'est l'enchaînement quoi de la meuf. Mais oui. Je sais même pas comment est-ce qu'elle a comment eu. Comment ça sort de son cerveau comme ça sans bégayer? C'est très clair, très simple, efficace. C'est ça. Votre grand-mère, elle suce des nains. Voilà, point. Et Tony qui dit Mickaël, des gens top tweet, on est trop fort. Ben bravo, effectivement, vous êtes effectivement très très fort, les mecs et les filles aussi. Poupette qui dit, on dit tout ça quand on en a marre des profs et de nos parents. Ah oui, ça c'était par rapport à Nicolas qu'on va récupérer. Et puis Link qui dit, possible d'avoir un message de bienvenue pour Mathilde. Je lui fais connaître l'émission ce soir. Oh Mathilde, oh. Eh ben sois la bienvenue, Mathilde. Alors attends, je vais t'en mettre une belle, toi. Alors attends, parmi les nouveaux ou pas? Les nouveaux amis ou pas? Bah oui, les nouveaux. Bon, nouveau. Allez, tiens Mathilde, c'est pour toi. Sois la bienvenue sur Fun Radio. T'es enculé, toi. Voilà. Bienvenue Mathilde. Et Alexandre qui dit, je vous écoute depuis trop longtemps, j'aimerais demander à Valentin, s'il vous plaît, c'est Alexandre. Ah, tu veux un conseil de Valentin? Ouais, mais attention, parce que Valentin, faut pas trop non plus lui en demander. Hein. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Voilà, donc voilà, il faut pas lui en demander plus, tout simplement. Bon, bah 01 42 48 5000, appelez-nous d'où que vous soyez. 02 851 4x0, c'est Fun Radio, c'est Mickaël de Limite. Venez prendre le contrôle. On va se faire dans quelques minutes le jeu du Je t'emmerde. Et nous allons d'abord refaire un tour du côté de la colle. Est-ce que tu es là toujours, Hugo? Ouais, je suis toujours là. Bon, très bien, toujours avec cette patate d'enfer et ça fait plaisir. Ouais. Bon, alors, Hugo, alors fais péter la colle encore une fois pour gagner l'écran plat full HD LED, histoire de pas trop consommer des courants en plus. Vas-y, Hugo, on t'écoute. Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Très bien. Si vous avez la bonne réponse, il suffit d'envoyer Mickaël par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Maxime qui dit la femelle du hamster est un hamster. Pas du tout. Non, il y a le tapissier qui dit c'est hamstel. Non. On appelle ça l'âme-sœur. Non. Est-ce qu'on est plutôt dans un jeu de mots ou c'est une vraie réponse? C'est un jeu de mots. Ah, c'est un jeu de mots, d'accord. On proposait le famster. Non. Non, bon bah alors allez-y, il y a Nicolas qui dit la femelle du hamster, on l'appelle un hamster femelle. Non, c'est pas ça, j'imagine. Non. Non, bon bah très bien. Bah si vous avez la bonne réponse, vous, bah allez-y, il y a un écran plat à gagner maintenant sur Fun Radio. Écran plat full HD et LED, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Donc comment appelle-t-on la femelle du hamster? Et là, apparemment la réponse est un jeu de mots. Bonne chance, si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, c'est vous qui gagnez. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est Hugo. Tu restes avec nous Hugo, on te reprend d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Ok, y a pas de problème. Allez, bouge pas de là, Hugo. On va récupérer Nicolas. En attendant, Nicolas qui est toujours avec nous de Paris, 15 ans, et donc qui lui a pas de bol. Il est rentré dans un bahut relativement strict et ça pose des problèmes avec avec les parents, avec les signatures. Alors explique peut-être nous un petit peu plus en détail tout ça, Nico. Ouais, bon, en fait, le truc c'est que bon, déjà à la base, lui, tu sais, il est vachement strict, quoi. Ouais. Et en plus, le truc c'est que ben, en fait, mes parents, si par exemple, si à une interro, parce qu'il faut faire signer toutes les interros, et ben si à une interro j'ai une note même au-dessus de la moyenne, quoi, et que la note c'est pas suffisant, en fait, donc ça veut dire au-dessous de 12, en fait, avec eux, ouais. Ben ils signent pas. Et en fait, quand on ramène une interro qui est pas signée, en fait, on a 3 heures de colle. Donc en fait, ça m'est arrivé une fois, je me suis chopé 3 heures de colle alors que j'avais eu 11, quoi. Ça, c'est une chose. Ah ouais, quand même, putain, 11 et t'as pris 3 heures? Ouais. Mais c'est quoi ce bahut? C'est complètement heures. Dingue. Et en fait... Et t'as quoi si t'es vraiment en échec? T'es viré, en fait. Quoi, j'ai pas compris. Si t'es vraiment en échec, t'es viré, genre si t'as moins de la moyenne, t'es voilà. Ah non, si t'as moins de la moyenne, en fait, tu viens refaire... ben t'es, alors là, c'est le prof, en fait, qui te colle, quoi, mais pour que tu viennes le refaire, en qui fait. Qui te colle au mur, tu sais, le truc. Tiens, ouais. Espèce de sale colleur, tu vas apprendre à étudier, sale gamin. C'est comme ça, ou ça se passe comment? Ouais, c'est à peu près, ouais, non, c'est à peu près sérieux, comme ça. Ouais. Il te met quand même pas des beignes. Non, carrément pas, mais c'est à peu non, près mais comme ça. Ouais. C'est à peu près comme ça, c'est le mec, on lui met des patates. Bon, la dernière fois, il est quand même resté une semaine enfermé dans la classe de l'école, mais bon, c'est un détail. Non mais sérieusement, et du coup donc quand t'as en dessous d'une note, t'es collé directement. Non, en fait, si t'as au-dessous de 10, t'es collé par le prof, quoi. Ouais. Qui vient faire, et en fait, ben la durée, ça dépend en fait de la durée de l'interro que t'as à foirer, quoi. Genre si c'était une interro qui durait une heure, ben t'es collé une heure pour venir la refaire. Et si c'était une interro qui durait plus longtemps, quoi. Ah oui, et, d'accord, ok. Voilà, mais en fait, si même quelle que soit ta note, quoi, même genre, je sais pas, moi t'as 18, quoi, et tu le ramènes pas signé, ben t'as 3 heures. Là, c'est 3 heures automatiques. Et donc ça m'est arrivé une fois, donc ça me fait chier, quoi, en fait. Ah oui. Et il y a aussi, alors en fait, si, parce qu'il y a beaucoup de punitions et tout, et si t'as une punition, en fait, mes parents, là, ils refusent de signer. Ça en fait, en fait. Ouais, ça en fait beaucoup, hein. Et donc en fait, je fais x2, en fait. Ouais. Mais quand tu dis en fait, tu prends des colles aussi ou pas? Allô, hein? Ouais. Quand tu dis en fait à chaque fois, tu prends une colle aussi ou pas? Non, pourquoi? Ah, je sais pas, parce que tu le dis souvent, c'est pour ça que je... Ah d'accord, ouais, j'avais pas remarqué. Je me demandais tout simplement. Alors vas-y, j'avais continue. Pas remarqué. Donc voilà. Et le pire truc là, en fait, cette semaine, c'est cette semaine, j'ai foiré une interro en français, et là donc c'est la prof qui m'a collé, et elle m'a donné un truc à faire en plus, et mes parents en fait ils ont pas signé la colle, donc je suis recollé samedi, et ils ont pas signé la punition, et je l'ai à faire au lieu de 50 fois, 100 fois quoi. Non. Si, c'est 20, si. Putain, quelle bande d'enfoirés quand même. Mais quel est leur objectif en fait? Ouais, c'est quoi cette conspiration? C'est quoi le délire? Ben en fait je pense que mes parents j'ai pas trop discuté avec quoi, parce que en fait c'est pas trop la peine, mais le lycée quoi, ils le savent maintenant. Au début ils savaient pas, mais maintenant ils le savent, et en fait la directrice elle me dit si t'as de bonnes notes t'as pas de problème. Ah ouais, bah ouais. Mais la directrice elle est dans la conspiration ou pas en fait? Ben je pense ouais. Ah bon, c'est quoi leur objectif? Ouais, c'est quoi? Ben me faire bosser voilà quoi. Ah oui, d'accord, ok. C'est mais pour alors, tu as des meilleures notes. Ouais, alors... c'est ça. Est-ce que t'es plus fort en maths ou en français, ou c'est quoi ton cours préféré? Carrément en maths. Ah ouais, pourquoi? Ben je sais pas, j'ai des pures notes et voilà. Ah d'accord, ok, très bien. Mais réexplique-nous un peu le processus. Moi j'ai pas bien compris, le processus prêt. Avec le prof et les parents. Juste là cette semaine ou en général? En général. En général, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que si tu foires, ça dépend si t'as plus de 10 ou moins de 10. Et mes trucs, c'est que mes parents, même si j'ai plus de 10, j'ai moins de 12, ils signent pas. Ah ouais. C'est vraiment des connards, hein. Parents, hein, l'école, c'est pas bien, quoi. Et pourquoi tes parents signent pas? Ils signent pas pour que, justement, pour que je me fasse punir au lycée. Ah d'accord, c'est la conspiration, on était d'accord effectivement. Ouais. Non, parce qu'en fait, si tu veux, il y a un moment, faut se rebeller quoi. Non mais en fait. Non mais c'est vrai, à un moment. Non, je passe tout de ma gueule parce que j'ai dit en fait. On plaisante. Bon Nico, reste avec nous, on va prendre Justine aussi dans quelques minutes. Et puis dites-nous si vous avez déjà galéré aussi comme Nicolas avec les parents, et si vous étiez bien emmerdé entre les deux là, entre le bahut et entre les parents là. Nicolas, reste avec nous. On aura Melvin dans quelques minutes, on l'a eu hier également, il a 5 meufs et il est un peu dans la merde pour gérer. Et puis on a Nathan et Cindy, bonsoir tous les deux. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? On va jouer dans quelques minutes au... Je t'emmerde. Oh, je t'emmerde. Vous êtes prête? Enfin, vous êtes prête ou plutôt? Hein? Nathan? Ouais. Ah, très bien. Excès de mollesse. Ah oui, excès de mollesse. Enfin, attention, hein. Le coup de pelle n'est pas loin, là. Bon, on va jouer dans quelques minutes sur Fun Radio. Vous allez pouvoir peut-être repartir avec la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Nathan et Cindy, ça vous intéresse? Ouais. Très bien. Ouais. Bon, parfait. Bon, Nathan, Cindy, bougez pas. On fait ça juste après le son de Britney Spears avec Work Beach. Et je vous donne également la petite histoire pour les appels de Toff. Ouais, et ma bite sur ton front. Sale ton. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. No limites. Allez vous faire foutre. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, effectivement, avec une version un peu spéciale. Hein, c'est Party Fun. DJ Mimi qui est en commande. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bientôt je prendrai la place de Quentin Bossiman. J'ai dit hier là. Quentin, tes jours sont comptés, je te le dis direct moi. Tes jours sont comptés, Quentin. Quentin. Tes jours sont comptés. Ouais. Non mais attends. C'est un remix sec ici. Ah, exactement. Il y a Benji qui dit quel kiff, DJ Mickaël. Il y a Fred qui dit je suis mort de rire, les insultes sur la musique de Britney Spears. Il y a Brittany qui dit aussi trop bien le remix sur Britney Spears. Lilou qui a adoré aussi sur Twitter, les mix de Mickaël me feront toujours rêver, ce DJ est un dieu. Ah oui, c'est toi. Ah mais oui, qu'est-ce que tu es fort, Mickaël. Tellement bien dit. Fabien également qui dit de rien, merci, grâce à vous, on arrive toute l'émission, on oublie les problèmes. Et Thibaut aussi qui dit Mickaël, c'est le meilleur DJ. Et alors, quoi aussi, Brittany qui dit en fait, mort de rire, vous m'avez tué. Et Dédé qui dit à l'antenne de Mickaël No Limite, nous avons monsieur en fait, ça va devenir une réplique culte. Non mais en fait, alors si on va le récupérer dans un instant, il y a Billy qui ça a fait rire aussi, la petite cloche. Sun Sun qui dit en fait je pense qu'on peut mettre en fait en top tweet. Pourquoi pas, ouais, bah merci en tout cas, vous avez mis Mickaël déjà en top tweet, c'est déjà pas mal pour une première. Et puis on va jouer maintenant, on va jouer avec Nathan, on va jouer avec Cindy, vous êtes là tous les deux. Ouais. Et on va jouer à ce grand jeu qui est le... Je t'emmerde. Oh, je t'emmerde. Je t'emmerde. Merde. Vous m'emmerdez. Oui, on a compris, merci. Bon, allez, on va jouer maintenant. C'est parti. Nathan, Cindy, le principe est simple. Vous allez donc appeler quelqu'un au hasard, un numéro qu'on a évidemment dans le standard. Et le principe est donc de placer un maximum de « je t'emmerde » dans une conversation la plus normale, la plus naturelle possible. Donc, pas la peine d'appeler des gens en disant « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Ça ne sert à rien jusqu'à ce qu'ils raccrochent. Le but, c'est d'avoir une conversation normale, voilà, naturelle, quoi. D'accord ? D'accord. Sûr, Cindy ? Ouais, ouais. Très, ouais, fais attention, ouais. Le coup de pelle n'est pas loin. Excès de mollesse. Le coup de pelle n'est pas loin. Plaît, il va falloir que je mette un coup de lance-flamme également. Ta gueule. Elle fond. Exactement. Vous m'emmerdez. Oui, bah, enfin, reste calme un petit peu quand même. Tu peux lui péter dessus ? Oui, bah, avec plaisir. Attends, Cindy ? Oui ? T'es en forme ou je lâche stuff ? Attends, non, je peux vérifier les formes ? Combien mesures-tu, Cindy ? 1m62. Combien pèses-tu ? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine ? Ah ah ! Je t'écoute. Oui, ce n'est pas une réponse. Non. J'attends un chiffre et une lettre. En fait, tu vas répondre, on te pète dessus. Allez. 95B. Ah, c'est pas mal. Ah, oui, B comme bien. Comme bonbon. Oui, c'est vrai. Et la taille des pantalons que tu as acheté ? 38. Ah oui, c'est pas mal, effectivement, oui, c'est du lourd là. Bon bah Cindy, attends, on y va, qui veut commencer ? Honneur au mec, allez, Nathan, c'est pour toi, au hasard. On y va, t'es prêt ? Au hasard comme par hasard. Ouais, c'est bon. On y va, on appelle maintenant le premier qui arrive à placer un maximum de « je t'emmerde » aura gagné. Vous avez droit à deux chances chacun, on y va. Dès que tu n'entends plus la musique, c'est à toi, Nathan. Tac. Voilà. Bonne chance. Allez. Allô. Allô. Ouais. Oui. Ouais, je suis avec Maxime, j'arrive là. Je prépare les cacahuètes. Comment? Prépare les cacahuètes, on boit l'apéro, il y a Maxime qui arrive là avec moi. Il n'a pas compris le jeu quoi. Mais vous voulez qui? Ça fait depuis tout à l'heure que tu m'appelles pour me dire de venir boire l'apéro avec Maxime. c'est bon hein. Vous voulez que je vous passe mon mari? Oh non. Ouais, ouais, ouais. Ça fait deux fois que vous le réveillez. Mais un peu, comment ça je le réveille? On va boire l'apéro toute la nuit, ça va pas ou quoi? Le plus mauvais de l'année. Joue. J'en peux plus. Le plus mauvais de l'année. Putain. Oh merde. Elle a raccroché? Ah oui, là, Nathan, qu'est-ce que t'as pas compris dans la règle du jeu là? Bravo. Le but c'était de dire de placer des je t'emmerde dans la phrase, t'en as mis aucun. Tu parles mais de cacahuètes? Parce que je voulais m'engueuler avec son mari moi pour le ah bah oui, mais bon. Bon bah c'est pas grave, du coup Nathan t'as fait zéro, mais... c'est mauvais, c'est pas grave. Cindy, à ton tour, on y va, on appelle, à ton tour. Pour l'instant t'as mieux à faire que zéro, donc autant dire que c'est pas compliqué. Si tu fais un, normalement t'as gagné la première. Voilà. Allô? Allô, bonjour, ouais, c'est qui quand même? Allô? Allô, Charmaine? Et vous vous trompez, ça serait bien d'arrêter d'appeler, merci. Allô, Charmaine? Ah ben ça n'en fera que 3 je pense, hein, c'est ça hein? Oui c'est ça. Ah oui, 3, c'est bon bah mal. C'est toujours 3 fois plus que Nathan. Hein, non, je suis pas d'accord. Ouais, parce que 3 fois 0, ça fait pas 0, ça fait pas 3, c'est vrai. Bon, Nathan, Cindy, oui. On va remettre le couvert dans quelques minutes, d'accord? D'accord. Bon ben restez bien là, concentrez-vous. Nathan, par pitié, t'avais l'occasion d'en mettre au moins 5 là. Bah ouais, mais des gens merdes, faut pas dire des gens merdes qui servent à rien quoi. Non mais si, oui, tu mais peux en mettre, c'est mais de la ponctuation. Voilà, il faut que tu les ponctues, faut pas juste mettre je t'emmerde. Il faut dire bonjour, je t'emmerde, ça va, ouais. Écoute, je pourrais pas venir ce soir, je t'emmerde. Tu vois, tu les déplaces comme ça quoi. Je peux pas ouais. Tout faire évidemment. Allez, place, allez. Bon, allez, bougez pas, okay, on ouais. Revient dans quelques minutes sur Fun Radio, restez là, c'est Fun Radio, Mickaël, No Limit. Et on va revenir avec la nuit sans pub juste après ça sur Fun. Ah oui, mais enfin bon, juste après ça, ça marche plus. Hein. Ah voilà. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël, No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France. Je vous rappelle que vous êtes évidemment toujours les bienvenus pour aller voter hein, pour votre jeu vidéo préféré pour le Paris Games Week. On sera d'ailleurs en direct du Paris Games Week. Vous allez sur funradio.fr. Quel est pour vous le jeu vidéo qui déchire le plus, qui est sorti ou à sortir? Allez-y, funradio.fr pour voter. Il y a Jessica qui dit allez, tu fais un tic genre je t'emmerde à la fin de chaque phrase. Jessica, Bah oui, c'est un petit peu ça, ouais. Et alors Kylian qui dit va te faire enculer, sale PD de pub. Merci Kylian. Ouais, bah allons, on est tranquille. Il n'y a plus de pub jusqu'à jusqu'à l'arrivée de Bruno dans la radio tout à l'heure à partir de 6h sur Fun Radio. C'est ce qu'on appelle la nuit sans pub. On va revenir avec Hugo aussi dans quelques minutes. Là, comment appelle-t-on la femelle du hamster? Si vous voulez gagner votre écran plat LED Full HD, à vous de répondre maintenant sur Fun Radio. Vous répondez tout simplement sur le SMS. Hein. Vous envoyez votre message maintenant par SMS au 64 900. Voilà, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900. C'est par SMS ou alors en quart sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je vous souhaite bonne chance, évidemment. Il est 23h47, plus de pub maintenant, avec dans un instant quelques appels de Toff encore, hein. On va refaire ça d'ici quelques minutes. Et puis on aura les teubés de la télé, retour avec Nicolas et son en fait. Bref, plein de choses, on écoute le son de Basto maintenant. C'est Dance With Me sur Fun Radio. No Limit 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, No Limit. Mickaël. On Fun Radio. Ouais, et restez là puisque je vous cale dans un instant le son d'Avicii. Avec You Make Me sur Fun Radio, restez bien là. Si vous avez envie d'écouter les sons particuliers, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos demandes. Hein. Mettez le hashtag Mickaël, évidemment, sur le Twitter. Vous faites vos propositions, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi bien sûr faire vos demandes par SMS, hein. Vous envoyez Mickaël et votre le titre que vous voulez au 64 900 ou au 30 44 pour la Belgique. GTR qui dit il était trop fort, il a parlé au moins 40 secondes et aucun je t'emmerde. Oui, j'avoue que tu n'as pas été très très bon Nathan. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, tu vas te refaire là. Vas-y, je suis chaud. Bon, il y a un message aussi, il y a Let's Be Freaks qui... Non, c'est Megumi qui dit pardon. Moi, je dors avec une photo de Mickaël, mais je suce pas mon pouce, là. Et Fabrice qui dit rien de mieux que d'écouter Mickaël le soir pour se détendre des journées qui prennent la tête. Il y a Lynn aussi qui dit le mec, il a pas compris le jeu, apparemment. Brittany qui dit le mec, il a rien compris au jeu. Christopher qui dit les insultes pour la chanson de Britney Spears, tout à l'heure, c'était trop bien. Et le en fait également. Et Yumi Chouchou qui dit pour le mec, il faudrait qu'il imite la signature des parents. Ça, c'était Nicolas. Bon, on va le récupérer dans quelques minutes, justement, le Nicolas. Voilà. Bon, allez, tous vos messages qui arrivent en direct, évidemment. Hashtag Mickaël, n'hésitez pas pour balancer tout ça sur le Twitter. On vous attend bien sûr nombreux et sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Nathan et Cindy, vous êtes sur le Twitter et sur le Facebook déjà ou pas encore? Ouais, déjà. Les ouais. Deux ouais. Ouais. Parfait, c'est très bien. Bon, et je vous ai followé ou pas? Ouais. Et toi, Nathan? Je sais pas. Oh, toi t'as un branlé, en même temps t'es ouais. Un mec hein, donc j'ai peut-être moins tendance à le faire automatiquement. Et en plus il est bon. C'est ça. Donc allez-y hein, si vous me faites un follow, je vous follow également Mickaël _, c'est la petite barre en bas, officielle. Pour les filles évidemment je vous follow par derrière. Et pour les mecs ben, je vous follow quand j'ai 5 minutes. Bon, on y va, attention. Cindy, Nathan donc qui a fait 0 je t'emmerde. Et Cindy qui en a fait 3 si mes souvenirs sont bons. C'est ça Toff, c'est 3 hein. C'est ça, tout à fait 3. Allez c'est parti, on rejoue maintenant et c'est parti. Je t'emmerde, je t'emmerde. Je t'emmerde. Et voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Vous m'emmerdez. Tu sais voilà. Ce que c'est que le hip-hop, toi. Bon, oui, elle connaît pas. Bon, non, allez, c'est parti, on y va. Cindy, Nathan, qui veut commencer? Enfin, qui veut recommencer plutôt? Ouais, moi. Toi, Nathan, t'as envie de mettre la barre haute. C'est parti, on y va, on appelle. Comme tout à l'heure, dès que ça ne sonne plus, il faut parler, bien sûr, Nathan, parce qu'il y a des gens qui décrochent et qui ne parlent pas non plus. En gros, dès que ta musique s'arrête, tu peux y aller. Ouais. Allô. Allô. Oui. Ouais. Bon ben, je t'appelle pour te dire que je t'emmerde. Hein. Ouais ben moi aussi connard. Tu veux que j'appelle les flics? Non mais attends, fais pas. Tu sais très bien pourquoi je t'appelle pour dire ça. Je t'emmerde. Ouais. Mais tu sais deux. Très bien pourquoi. Hop là. Deux. Ouais, t'es quand même d'une médiocrité bon, à toute épreuve, toi. Cindy. Ouais. Est-ce que bon, t'as gagné, hein, c'est fait, puisque t'as fait 3 et on garde le meilleur score. Lui, il a fait 0 et puis 2. Bon, là, t'as gagné. Est-ce que tu veux quand même le faire pour l'honneur ou pour au cas où tu bats un record? Pour le grand jamais. Jeu. Ouais, ouais, je vais allez. Essayer. Bon, allez, vas-y, attention, on y va, on appelle. Stratégie. Allez, vas-y. Dès que t'entends plus la musique ou dès que ça sonne plus, c'est à toi. Oui, allô. Allô, c'est qui? Je t'emmerde. Comment? Je t'emmerde, c'est qui? C'est qui appelle à cette heure-là? Bah c'est moi et je t'emmerde. Mais c'est qui moi? Bah moi, c'est qui t'emmerde. Ah ouais, bah t'as raison, c'est bien de réveiller les gens à cette heure-là. Bah ouais, mais je t'emmerde quand même. Ok, c'est noté, vas-y, bah c'est bien le téléphone. Vous m'emmerdez. Ouais. Le téléphone. Ok, je t'emmerde. Ouais, c'est bien. Vous m'emmerdez. Hop là, pas mal, pas mal. Bon, Nathan, 3 et 6, donc ça fait 9, en imaginant qu'on l'édition, là, qu'on ait changé la règle. Et puis 0 et 2, ça fait 2. Ah bah, c'est ça. Donc tu mérites un coup de pelle. Bon, ben on vous emmerde alors. Eh ben voilà, exactement, oui. Non, c'est fini le jeu, c'était pas maintenant. C'est quand t'appelles le mec au téléphone. Ah là là là là là là, Bordeaux s'incline face à Bouc Maison. Ouais, ouais, un grand match. En Picardie. C'est en Picardie, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, un grand match de maison, ouais. C'est le mercato. Eh ouais, merci le spécialiste du foot, hein, c'est Polo, hein, tous les soirs. Hein, quand il y a des matchs et tout, on suit en direct grâce à Polo. Bon, le classico. Cindy, bravo, ouais, le classico. Oh là là. Bon, Cindy, l'écran plat est pour toi, bravo à toi. Ouais. Voilà, l'écran plat est pour toi. Écran plat, évidemment, full HD, LED. Bravo, Cindy. Merci. Bah, avec plaisir. Et puis, Nathan, tu retournes chez ta mère les mains vides. Hein. Et on peut faire une dédicace quand même. Bon, allez, vas-y, Nathan, t'auras gagné ça au moins. Bon, bah alors, j'aimerais faire une dédicace à Carlito. À une seule personne, Nathan. À une seule personne. Hein. Réfléchis bien à qui tu vas la faire. Bon, bah, Carlito de la Muchacho. Carlito de la Muchacho, très bien. Okay. Et à Shaggy Schlag. Bon, qu'est-ce que t'as pas compris? T'as pas compris le je t'emmerde et t'as pas compris le concept du une dédicace. En fait, oui, tu comprends rien. Ouais. J'ai un problème de compréhension. Non, t'as un problème ça de cerveau. Ça doit être ça. Bon, salut Nathan, passe une bonne soirée, écoute bonne de fan, à bientôt. Salut, vas-y Cindy, à une seule personne aussi. Hein. À Dodu. Très bien, oh. Et ben voilà, comme ça tous les autres, hein, qui auront reconnu Cindy, elles vous emmerdent. Comme ça, au moins, ça ouais, fait, voilà, voilà. Vous m'emmerdez. Exactement. Bon ben salut Cindy, hein. Salut. Et encore bravo à toi pour l'écran plat là. Juste merci. Une précision, oui. Quand on dit LED pour les trucs, c'est pas les copines de Toff. Hein. Non, ah, c'est voilà, pas les copines voilà. de Toff, non, voilà. C'est LED, hein, c'est, voilà. C'est l'écran quoi, voilà. c'est basse consommation, c'est etc. Système, voilà, gros bisous Cindy, je t'embrasse. Bisous à tout le monde. A bientôt, et on a encore Hugo là, on va en profiter pour le refaire vite fait la colle maintenant. Hugo, t'es nouveau là? Ouais, je suis là. Bon, très bien, alors la colle, attention, vas-y, 23h56, on t'écoute. Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, vous allez peut-être pouvoir repartir avec votre... Qu'est-ce que j'ai dit? Bah non, je lui ai filé un écran plat, je suis con. Cindy, c'est pas un écran plat, c'est la PlayStation. Ouais. Oh, bah c'est quand mieux. Ah bah voilà, t'as oublié le E par contre, ouais. Encore. C'est encore mieux. Ah, voilà, c'est ça. Elle est picarde en Picardie, il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas de. Bon, d'accord, c'est okay. Bon, hein. Bon, voilà, la PlayStation 3 et le jeu vidéo, évidemment. Beyond Two Souls, bien sûr. Exclusivité. Qui est sorti depuis hier et qu'on vous a offert depuis la semaine dernière en exclusivité. Bien sûr, merci exclusivité. À vous. Exclusivité. Exactement. Oui, bah, c'est bon. Bon, alors, bravo Cindy, je te repasse Sandro, hein. D'accord. Salut. Donc Hugo, donc pour la colle, comment appelle-t-on la femelle du hamster? Et donc, bah, si vous avez la bonne réponse, il y a un écran plat, cette fois-ci à gagner. Écran plat full HD et LED. Donc Hugo, il faut envoyer la réponse. Il faut envoyer Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Alors il y a des propositions. On proposait une mamster. Non. Non, ma femelle hamster s'appelle Zoé. Bon, on est ravis de l'apprendre. Il y a Alexandre aussi qui dit pour la colle, je propose la grand-mère de Toff qui suce des nains. Non. Oh, c'est pas ça? Non. Oh merde. Ma grand-mère elle suce des nains. Oh bon, alors il y a. Attends, il y a quoi? Il y a Lilo qui dit oh le sale enfoiré Polo, signé la dame. Ah non, bah, c'est pas ça a priori. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Hein, vous allez pouvoir donc repartir avec votre écran plat full HD LED. Si vous avez la bonne réponse, comment appelle-t-on la femelle du hamster? Et donc tu nous as dit que c'était un jeu de mots. Ouais. Très bien, bon bah à vous de jouer. Hein. Et on te récupère dans un petit quart d'heure pour la dernière relance de la colle, Hugo. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite, Hugo. J'espère qu'il ne sera pas décédé d'ici là, évidemment. Oui, mais il souffre oui, ici pour être avec nous. Je sais. On a Justine également qui est avec nous, là. Justine qu'on a eu hier, on devait appeler ton père là pour l'histoire avec bah, toutes les histoires de Toff, hein, toutes les conneries là qu'on fait quand on appelle des gens. Hein. T'es toujours là, Justine? Oui, toujours. Bon, très bien, Juju. Alors... Il y avait une nouvelle idée, hein, tout le monde l'attendait avec impatience là, ouais. Sur le Twitter et sur le Facebook apparemment. Est-ce peut-être quel signe, dis-moi toi Justine? Ah moi je suis scorpion. Ah, tu es scorpion, très bien. Alors apparemment, scorpion, donc, c'est, oui, sexe, et encore du... Eh oui, tu es une cochonne, Justine. Oui, tu es une coquine, Justine, apparemment, en tout cas. Donc, parce qu'en fait, j'ai trouvé ce matin un horoscope du sexe, et donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. D'ailleurs, je vous l'ai mis sur le Facebook, hein, si vous voulez aller voir, vous allez regarder quel signe vous êtes, et puis ça vous dira si vous êtes plutôt chaud, pas chaud, etc., etc. Oui, j'ai beaucoup aimé mon signe. Oui, moi, beaucoup moins le mien. Oui, c'est comme quoi, il y a peut-être des vérités. J'ai pas vu, pour être dur. Parce qu'on est bélier, c'est vous... Attends, c'est quoi ? Vous savez tout sucer. Alors, mais bon, en même temps, je suis né le 19 avril, donc je suis à la frontière du taureau. Hein. Ah, donc tu penses qu'il t'arrange. Et le taureau, vous êtes des professionnels, donc je peux le prendre. Mais quoi. Tu as le droit, toi, Michel. Ouais, moi j'ai le droit de changer de signe, donc je change de signe. Ça, c'est énorme. En revanche, si vous êtes une femme bélier... Oui. Par contre, c'est pas mal. Ah, là, c'est plutôt bien, ouais, ça, c'est plutôt bien. Bon, allez voir facebook.com/michaelofficiel si vous n'avez pas internet, vous nous demandez quel signe vous êtes. Et puis, du coup, on va en profiter pour appeler des gens, Toff, là, pour leur demander un peu comment ça se passe. Et on va appeler ton père, Justine, hein. Hier, on a fait de la merde, on lui a envoyé un son, du coup, il a raccroché, il a pu rappeler. Ouais. Donc, on va essayer de le rappeler maintenant, ok? Ok, ça marche. Bon, allez, c'est parti. Il a pété un câble. Ouais, tant mieux, c'est le but. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Cette fois-ci, je mets pas de son, hein. Tu es enculé, toi. C'était plus fort que moi, mais j'ai réussi. Allez. Putain, merde. Il veut plus nous parler. Non. Ah putain. Oh. Ah, il nous aime plus, Justine. Hein. Je pense qu'on va laisser pisser quelques jours, hein, parce que sinon, il va plus jamais décrocher. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, du coup, on fait un autre appel. Tu restes avec nous tant que t'es là, hein. Ben, y a pas de soucis. Bon, parfait. Alors, parce que je rappelle que t'as pas la radio, parce que t'as l'auto depuis hier. Et donc, du coup, on te laisse dans le standard, comme ça tu peux suivre l'émission, quoi. Au chaud. Voilà, en VIP. Tu veux un petit verre? Ouais, je veux bien le faire de 20 ans. Tranquille, dis donc, moi je vais te proposer un petit coca ou quoi, là, directement le pinard. Bah, bravo, Justine. Bon, allez, on y va, on appelle un des numéros que vous nous avez envoyés, là. Vous avez été nombreux à nous envoyer depuis hier aussi. Vos numéros, des numéros de gens qu'on peut encore appeler à cette heure-ci, évidemment, qui sont debout et qui sont plutôt du style à s'énerver rapidement. Donc n'hésitez pas à envoyer vos numéros. Sandro@funradio.fr, S-A-N-D-R-O. Allez, c'est parti, Toff, t'es prêt? Toujours. Allez, on y va, j'espère qu'ils seront aussi bons qu'hier, là. Ah, vous nous avez régalé hier. C'est ta grand-mère. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelais parce que je voulais connaître le signe du zodiaque de votre femme. Et celui-là de ta mère, c'est quoi? Je vois pas le rapport, monsieur. C'est celui de votre femme qui m'intéresse. Ouais, mais moi, je veux pas te le dire. Oui, mais pas comme ça. Moi, je pourrais vérifier si elle est vraiment au lit comme elle doit l'être selon son signe. Bon, t'as que la foutre. Oui, monsieur. Ouais, pas moi. Bon, allez, bonne soirée. Attendez, vous avez pas répondu à la question. Ah oui, mais il s'en fout. Hein. Il t'a quand même souhaité bonne soirée. Oui, c'est vrai, il est quand même pas poli, mal. Ça, c'est beau. Il est plus cordial que les autres. Ah, n'est-ce pas, Justine? Oui, n'est-ce pas, oui. Vachement plus gentil que ton père, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ah oui. Bon, on rappelle. Ça. Petit bug. En fait, c'est l'air con de Toff qui est énervant. C'est pas de problème. Oui. Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché un peu vite, vous avez pas répondu à la question. Oh, écoute-moi bien, espèce de tocard, va. Moi, je t'attrape, je t'accroche au pare-choc de ma voiture, je te traîne dans toute la ville, c'est compris? Oui, je sais, on me l'a déjà promis jusqu'à Furiani, mais c'était pas arrivé. Ah, t'as décidé de me faire chier, en fait. Mais pas du tout, je vous ai juste posé une question. Et c'est vous qui vous énervez, vous vous emportez, vous me remettez des trucs avec votre voiture, alors que bon, faut juste me donner le signe de votre femme. Ah, j'ai... Ma femme m'a donné le signe que ta mère. Nous voilà bien avancés, mais quel est le signe de ta mère, Toff? C'est une bonne question. Elle est quand? Attends, le avril. Non, t'es sérieux, tu connais pas ça? Non, mais quand en avril? Parce que le 12. Ah les béliers comme moi. Ah elle suce bien, alors, apparemment. Ah écoute, c'est ce qu'il a mis. Eh moi j'ai rien dit, hein. C'est ce qu'il a mis. Moi je peux rien. Ah bravo. Quoi? Non, c'est 12 mars. Ah 12 mars. Ah non, 12 mars c'est elle est poisson. Alors. Non, elle est 12 non. mars, elle est pas poisson. 12 mars elle est gémeaux. Ah d'accord. La plupart sont les obsédés du sexe. Bon, finalement l'un ou l'autre, hein. L'un ou l'autre. Maman, je suis désolé, hein. Oui, c'est ça, oui, c'est... Enfin, bon, après ça explique d'autres choses. Non, elle est gémeaux, elle est pas gémeaux. Oh, je sais plus maintenant, merde, Mars c'est quoi, je sais plus. Bon, Justine, tu sais pas ce que c'est quand on est allé en Mars, toi, c'est quoi? Soit on est poisson, soit on est... C'est poisson, hein, je crois. Ah, c'est poisson, alors. Après poisson, non, après poisson, c'est... C'est bélier, du coup. Tu reviens au début, bélier. Ouais, alors bélier. C'est bélier, ouais. Alors, et avant, c'est verseau. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, les poissons, ils sont chauds, excités et ont plusieurs façons de le faire. Oui. Finalement, c'est ça. Ouais, très bien. Il y a Clem aussi qui dit je suis poisson, c'est plutôt pas mal. Bah oui. Billy qui dit je suis bélier aussi, Mickaël, et je suis une femme. Ah bah ça va alors, si t'es une femme et que tu peux sucer comme c'est mis dans l'horoscope, alors c'est bien. Mélanie qui dit je suis bélier aussi, une femme bélier. Ah bah voilà, non mais une femme, ça c'est très bien, il n'y a pas de, problème. Donc 12 mars c'est bien poisson. Ah 12 mars c'est poisson, très bien. Et alors il y a Megumi qui dit moi je suis comme Mickaël à la frontière entre poisson et verso, les deux mélangés en fait, je suis complète dans le sexe. Alors attends, verso, ils le font tous avec calme et douceur. Et poissons, ils sont chauds, excités et ont plusieurs façons de le faire. Ouais, c'est pas mal, Megumi. Et Kawet qui dit moi je suce bien et surtout je suce tout bien, c'est génial. Et Tiffany qui dit moi je suis scorpion. Alors c'est quoi scorpion? Scorpion, c'est sexe, sexe, sexe et encore du sexe. Calypso qui dit la meilleure émission de tous les temps. Oh bah merci, c'est gentil. Merci pour le message. Et Stéphanie qui dit oh putain, c'est le cousin du Corse là, il va en faire des kilomètres le Toff. Bah oui, il lui a promis de l'attacher au pare-choc de la voiture. Ouais. Alors que quand nous avions appelé notre ami Corse, il avait fait pareil. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriane. Ah, voilà. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Bah, allez, il était très sympathique, hein, le monsieur. Ouais. Très sympathique. Bon, Justine, reste avec nous. On va prendre Nicolas qui voulait réagir à l'autre Nicolas par rapport au bahut. Et on écoute le son de Avicii, ça te branche? Oui. Allez, c'est You Make Me sur Fun Radio. Bonne soirée. We are one. Mickaël, limite. Allez vous faire foutre, je fais des têtes de con. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, bienvenue si vous venez de débarquer. On va se faire les teubés de la télé également maintenant. Car oui, nous sommes effectivement à la bourre comme d'habitude hein, puisque les teubés de la télé en théorie c'est à minuit. Voilà, ça fait bien longtemps que ce n'est plus à minuit. Mais enfin c'est pas très grave, hein, la règle est la même malgré tout. Bon, dans un instant on va continuer votre horoscope hein. Je vous rappelle que si vous voulez connaître votre horoscope du sexe, n'hésitez pas à nous donner votre signe sur le Twitter de l'émission hein. Vous mettez le hashtag Mickaël et puis vous mettez votre signe. Ou alors par SMS également, vous envoyez Mickaël et votre signe au 64900 ou au 30-44 pour la Belgique. L'horoscope du sexe, on continue dans quelques minutes. Bon, teubé de la télé, c'est maintenant. Et dans les ch'tis, évidemment, il y a Vincent qui nous montre qu'il sait parler aux femmes, hein, surtout quand il n'aime pas leur style. Ça donne ça, quoi. Donc en gros, moi, je suis allongé. Les filles sont près de moi, tu vois. Elles sont aussi là, etc. Elles étaient belles. Elles sont blondes. Pas mon type, mais elles sont blondes comme toi. Dents blanches, blonde platine. Bah, c'est pas bref. Ouais, c'est ça, elles sont... Comment dire à une meuf qu'elle est moche sans lui dire? C'est ça, elles sont blondes comme toi. Et puis dans Off, Secret et Coulisses, on a une femme de Lady Gaga qui n'a pas grand chose à faire, bah visiblement de ses journées, hein, bref. On va rentrer chez nous. Je vais me suicider, hein, écoute, j'ai perdu 10 heures de mon temps, non mais moi ça me fait pas rire. Ah bah non, ça lui fait pas rire, bah du coup forcément elle a préféré directement s'arrêter là, hein. c'est mieux apparemment. Bon, il y a Brittany qui dit aussi, j'adore cette émission, là, ça fait un mois que j'écoute, elle est magnifique, merci Brittany. Et puis sois la bienvenue. Oh, allez, un petit message de bienvenue. Tiens, ça fait longtemps que je n'en ai plus mis un là. Attends, message de bienvenue. Et dans ton cul, au connard. Voilà, bon, c'est une fille britannique, mais enfin, on fera avec. Stéphanie qui dit oh putain, le cousin. Ah oui, je l'avais déjà lu. Ça, moi, je suis poisson, c'est plutôt pas mal le poisson. Oui, effectivement, oui. J'arrive plus à effacer mes messages là. Toff qui n'a encore fait que de la merde. Chez moi, c'est facile. Ah, ouais, bah, t'as encore fait que de la merde. Voilà, c'est ça. Parce que oui, j'ai tous les messages qui arrivent là sur Twitter, etc. Et comme il m'a fait que de la merde, et eh ben voilà. Je comprends pas, c'est quel mangeur de merde. Je comprends pas. Bon bah c'est pas grave, c'est j'ai rafraîchi le truc. Un sale ça va revenir. Et je voulais vous demander aussi si vous aviez vu la nouvelle. Ouais, tu vois, ça marche, ouais. Est-ce qu'on peut le laver? Oui, on va le laver. Si vous avez vu la nouvelle photo, j'ai mis une nouvelle photo de profil. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous la trouvez bien ou si je la vire. Oh, sur le Facebook, gosse. Sur le Facebook et le Twitter, pour aller voir, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Ou alors sur le Twitter de l'émission, donc vous tapez aussi Mickaël_officiel. Oui, Polo, faut faire un refresh, sinon ça marche moins bien. Ouais, mais pour faire un refresh. Il faut faire attends, à moins que je l'ai pas mis sur le... Non, tu ne l'as pas mis en refresh. Ah oui, je vous remercie. Oui. Oh, excusez-moi, je... Non, mais c'est vous qui avez raison, Mickaël. Non, mais je l'ai modifié sur le Twitter. Non, j'ai tort. Est-ce que je peux avoir une baffe dans la gueule? Oui, avec plaisir. Merci. Et voilà. Plutôt deux fois qu'une. Alors attends, c'est vrai que je l'ai pas mis sur le Facebook. Hein. Bah, je vais le mettre tout de suite. Hop là, désolé pour ceux du Facebook, autant pour moi. C'est de la faute de Toff. Oui, bah évidemment, mangeur évidemment. Mangeur de merde, va. Voilà, ça y est. Donc facebook.com/Mickaël officiel. Voilà, allez changer maintenant, vous pouvez aller voir, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Beau, grand, fort, intelligent, surtout l'intelligence qui ressort de cette photo, je pense. Hein. Quand tu creuses un petit peu, là, quand tu creuses un petit peu, tu vois toute cette intelligence sortir, ouais, comme ça, ouais. C'est... J'en mets plein sur la gueule de cette intelligence. Ouais, ouais. Voilà, c'est exactement. Ça déborde. Ouais, voilà. Il y a Lauriane qui dit les balances c'est pas mal aussi. Il y a Beach qui dit. Je suis entièrement d'accord. Ouais, et le Sagittaire c'est quoi? Bah attends, parce que balance c'est quoi? Balance c'est comme moi. Ah ouais, balance c'est comme toi, les meilleurs rollies, mais on était sérieux avec ça là, tu fous pas de ma gueule. Oui, les balances, c'est nous. Il y a Biche qui dit Sagittaire, c'est quoi? Alors Sagittaire, c'est apparemment vous avez tout essayé. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Tu es trop beau gosse sur ta photo de profil, Brittany. Merci Brittany, enfin quelqu'un qui a bon goût. Mais oui, mais on ne peut pas dire le contraire. Ah non, bah ça c'est sûr, hein, sous peine de coups de pelle, bien sûr. Et alors il y a Tiffany qui dit Mickaël toujours aussi beaucoup. Peut-être que t'as voulu dire beau ou je sais pas. Non, mais toujours aussi beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. Je fais 1m63, 65 kg, tour de poitrine 100D, taille du pantalon 40. Oh, ah, Tof, tu peux te mettre si tu veux au milieu. Ah, hein. Oui, là, je peux. Ouais, et gros bisous. Je peux faire glisser au milieu. Tu mets ta tête et tu fais. Gros bisous de la Picardie. Let's Be Flux qui dit pas mal ta nouvelle photo de profil. Victor aussi qui dit pas mal également. Et il y a Monsieur En Fait est parmi nous, les amis. Oui, on va le reprendre dans quelques minutes, Monsieur En Fait, justement. Bon, Justine, bah, tu restes avec nous encore. Hein. Est-ce que t'as déjà eu des galères, toi, à l'école à l'époque, Justine, parce que t'as quel âge là, Justine? Bah, j'ai 21 ans, oui, et d'ailleurs, il y a une copine qui m'écoute, ouais. Et je lui fais des gros bisous et je l'aime très fort. Elle s'appelle Ali. Oh, mais je crois qu'elle voulait un message de bienvenue. Ah, bah ouais. Ouais, bah, comment elle s'appelle, tu m'as dit? Elle s'appelle Alice, elle m'entend. Oh, Alice, oh, Alice, et ben, bienvenue sur Fun Radio. Ton cul, toi, ta mère, ta grand-mère. Oui, c'est violent, mais bon. Voilà, écoute, ce sont les messages de bienvenue. Hein. Je pouvais lui mettre également à de nouveaux amis, mais ça allait pas lui plaire. C'est une grosse salope. Tu vois? Bon. Oh non. Bah, oh non, c'est pas ça. C'est pour ça que je l'ai pas mis, t'as vu? Je suis un gentleman, moi. Oui, je vois ça. Mais t'as vu, content que tu t'en rendes bien compte. Bon, on écoutera Martin Garrix dans quelques minutes sur Fun Radio. Alors, il y a un son que t'as envie d'écouter là, Jennifer? Bon, comme t'es là depuis plusieurs soirs, hein, tu fais la prog avec moi depuis le temps. Hein. Jennifer? Ah oui, c'est Justine, c'est pour ça qu'elle répondait pas. C'est pour pas. Ça, oui. Eh oui, voilà. Justine? Oui. Un son que t'as envie d'écouter? Ouais. Dis-moi. Warp Beach. Warp Beach, t'es sérieux? Je l'ai mis il y a un quart d'heure. Ah. Là, comme ça, bon, Martin Garrix. Moi, je suis d'accord. Ouais, je prends pas trop de risques avec Martin Garrix, hein. Moi, je suis d'accord aussi. Ouais, toi, t'es d'accord aussi, Nico. En même temps, c'est tombé, je t'ai rien demandé. Non, mais je plaisante. Moi qui prends la voix de ton front. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Y a pas de problème. Donc toi aussi, bah tant mieux. Bah alors, Martin Garrix, on va se l'écouter dans un instant. Bon, Nicolas, tu nous avais appelé parce que ton bahut était trop strict et que ça te saoulait. Et alors, bah y a un autre Nicolas qui est là également maintenant du 90. Salut Nicolas, 18 ans. Comment ça va? Salut, ça va et vous? 90 bah, écoute, B ou C? C'est drôle ça. Bon, alors, toi tu nous appelais parce que tu voulais réagir à l'autre Nicolas justement. Comment ça s'est passé au bahut à l'époque? Ouais. Alors, moi c'est pareil, je suis dans une école hyper stricte, genre collège, lycée. Mm. Et en fait, un jour, tu vois, j'avais des problèmes à l'école, j'étais collé assez souvent et mes parents, ils aimaient pas ça du tout. Ouais, c'est rare les parents qui applaudissent leurs enfants quand ils sont collés. Hein. Ouais. C'est bien mon fils, tu as encore pris 3 heures aujourd'hui. Oh, c'est tu as zéro de moyenne, magnifique. Bravo. Oui, quel enfant. Bravo. Bon, et donc vas-y, continue. Ouais, et donc un jour ça s'est arrêté parce que je suis rentré chez moi un jour. Je devais avoir cours et finalement il y avait un prof qui était pas là, donc je suis rentré un peu plus tôt que prévu. Et j'ai creusé ma mère, c'était avec un homme que je connaissais pas. Oh, c'est bon ça. Voilà. Et donc je suis rentré dans la chambre et puis il s'était occupé. Mais il s'était occupé à faire quoi, à la vaisselle? Dans la chambre? Non, c'est non, pas la vaisselle, non. Bah, c'est l'aspirateur? C'est Scrabble? Elle avait un gros tuyau dans les mains, ouais. Ah d'accord, ok, donc elle passait l'aspirateur, bah c'est bien, il lui a donné un coup de main pour nettoyer la maison. Ouais, voilà, il nettoyait bien la maison, ouais. Tu m'étonnes. Non, mais c'est sérieux, ça? Ouais. Il lui a stické l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça, c'était un petit nettoyage en profondeur. C'est ça. Voilà. Bon, et du coup? À chaque fois que j'avais des mauvaises notes à l'école ou que j'étais collé, moi j'allais voir ma mère et je disais maman, tu peux me signer ça, s'il te plaît? Vaut mieux que ce soit toi, plutôt que papa. Je pourrais lui expliquer des choses qu'il ne devrait pas savoir. L'enculé qui dit du chantage. Oh, t'es un enfoiré avec le chantage à ta propre mère. Mais en même temps, il avait de quoi. Oui, non, bah, je sais, mais je dis pas qu'il avait pas de quoi faire, hein, mais effectivement, ça se fait pas quand même. Bon. Et du coup, t'as un conseil à filer à l'autre Nicolas? Bah, vas-y, essaye de rentrer plus tôt un soir et puis tu vas peut-être. Ouais. En fait, si ça présente un autre homme à ta mère, fais qu'ils sortent ensemble, qu'elle trompe ton père, comme ça t'auras un truc pour faire du chantage. Ouais, voilà. Ou alors sinon tu suis ton père et peut-être qu'un jour il va la tromper ou oui. Comme ça quoi. Ou un des deux évidemment. Ouais, hein. Ah non, faudrait les deux en fait. Bah t'engages un détective privé qui ouais. va les suivre, qui va te faire des fiches. Âge, ouais, ouais, ouais, ouais, il a les moyens à son âge justement de prendre le détective privé. SNCI, bon, SNCI. SNCI ouais, mais c'est en anglais là que je le dis. Ouais, non, oui, non, bah, même en anglais si? ça. CNCI ouais, non, CNCI. Alors, essaye encore un coup pour voir là. C'est CNCI. T'es pas loin, tu chauffes là. SMCI. Non, tu chauffes encore. Attends, je te mets la musique. SNCI. Eh non. Non, déjà c'est la mauvaise première lettre. S. Est-ce que tu peux l'aider, Justine, ou pas? SNIC. Ça passe sur M6. S. Tu vois pas? Non. Toi non plus, Nicolas? Non, carrément pas. Ah merde, tiens, c'est NCIS. NCIS! SNCI, on leur dirait Ramzi. SNCF. Oui, c'est ça, t'as raison. Bon, il y a également Laurent qui est avec nous, là, 30 ans de Sanois. Comment ça va, Laurent? Oui, Laurent, ouais, super, et vous, là? Ouais, Laurent, ça va? Et qui t'a pris les drones ou quoi, là? Je sais pas, c'est là. Bah, ça va, Michael, Toff, Polo, Sandro, tout le monde va bien? On est plutôt pas mal là. Votre grand-mère est sus des nains. Ah bah lui aussi il est en pleine forme, donc tu vois, bah, c'est bien. Dédicace à la grand-mère à Toff. Bah bien sûr, évidemment. Votre grand-mère est sus des nains. Une parenthèse là, Michael, ça fait 3 semaines tu me parles sur message, Twitter. Tu m'as toujours passé mon message de bienvenue. Non, c'est vrai? Sérieux, ouais. Bah tiens. Bah va te faire enculer, connard. Voilà. Ah bah, voilà, nickel, impeccable. Avec plaisir, merci, Laurent. Merci. Avec plaisir. Bon, alors bon, en fait, je vous appelle une petite anecdote. Bon, calme-toi, Laurent. On a le temps. Hein, il n'y a pas de train à prendre. Là, on est tranquille. Je suis au boulot, là, je suis au taquet. Là. Ah ouais, mais tu fais quoi dans la vie là? Tu fais quoi comme boulot? Je raffine de la coke. Non, je fais des pièces en caoutchouc pour tout ce qui est bateau, avion, voiture. Ah d'accord, ok, très bien. Dans la colle. Oui, t'es dans la colle, effectivement. La colle, oui. D'accord. D'accord, bon, ça alors, explique aussi, alors. Alors Laurent, vas-y, explique-nous le conseil que t'as filé à Nicolas. Mais reste calme, Laurent, tout va bien. Non, respire. Moi, c'est pas du tout par rapport à Nicolas. C'est que quand j'étais au lycée, donc à Melun, en Seine-et-Marne, quand j'allais en cours, au bout d'une heure, je rentrais chez ma mère. Mon père était en déplacement. D'accord. Et je disais à ma mère, ouais, maman, les profs sont grèves, alors du coup je reste à la maison. Mm-hmm. Puis bon, j'avais quoi, 16 ans, 17 ans, moi tu vois, bon je vois la PlayStation, quoi, normal quoi. Ouais. Et donc ça je le faisais assez souvent pendant plusieurs mois. Et le jour de la réunion parents-prof, ma mère qui se pointe au lycée et tout, et qui fait un scandale à mon professeur principal, qui fait oui, vous faites tout le temps grève et tout, mon ça se fait pas comme ça. Et en fait le prof a dit, mais madame, on a fait grève qu'une journée cette année. Bon, je vous explique pas comment ma mère m'a défoncé, et pourtant ma mère c'est, on va dire, la plus soft entre mes parents. Et mon père qui était en déplacement, ma mère a dit, bon, j'en parle pas à ton père tant qu'il est pas revenu en France. En fait, je me suis pris plusieurs beignes par ma mère, et quand mon frère est revenu, je me suis pris des beignes par mon père. Et quand mon frère était en permission, qu'il est revenu, je me suis pris des beignes par mon frère. Oh là là, putain. Bon, j'ai pris plusieurs beignes dans la gueule, quoi. Et depuis, tu fais une psychothérapie pour essayer de t'en sortir. Voilà, ouais, je me prends des extras. Qu'est-ce que tu dis, Nico? Je dis prends, il est sous l'extra en fait. En fait, on a les deux extrêmes. Ouais. Il y a Laurent qui est en speed et Nico qui s'endort. Excès de modeste, excès de vitesse. Exactement. Voilà. Bah ouais, mais bon, dans la vie, il vaut mieux être speed que plutôt que dormir, quoi. Ah, ouais, de toute façon. Vous faites chier. Voilà. Puis bon, perso, celui qui arrive à dormir à moitié avec Michael No Limit, bon, franchement, c'est ça. Le mec, il est pas doué, c'est quoi. Ça. Parce que nous sommes un petit peu une drogue. Nous sommes un petit peu une drogue. Tout simplement. Mais je vous écoute depuis quasiment le début de l'émission, ça fait 2 mois et demi. Hein. Ah putain, c'est bon ça, Laurent. Du tout fan. Non, bah c'est très bien, tu vois, bah sois le bienvenu, Laurent. C'est pas du tout mon style de musique, mais j'écoute. Mais c'est ton style d'émission. Voilà, exactement. Nous aussi, on t'aime, parce que nous, les rapides aussi, on parle comme ça. Ouais, on parle comme ça aussi, alors effectivement, tu vois, c'est bien, Laurent, c'est le meilleur. Voilà, et Laurent, deuxième message de bienvenue, puisque t'es un fidèle. Ouais, elle m'habite sur ton front. Voilà. Est-ce que t'es comme Toff, t'es un peu... une grosse salope. Non ou pas? Alors moi, écoute, je soutiens Toff, mais je suis pas comme lui. Ah bon, d'accord, Je te remercie, Laurent. Ah, très bien. Espèce d'enculé, va. T'es une grosse salope. Ah bah oui, ouais, ma grand-mère a 6 nains aussi. Oui. Exactement, oui, tout à fait. Ouais, vas-y, vas-y, Laurent, là, hop là. Alors, dédicace à une association qui s'appelle Trip and Tuff, qui nous fait vivre des soirées hardstyle et hardcore. Ah bah non, c'est pour ça. Je croyais que c'était une association pour venir pour me venir en aide, mais non. Non, non, non, c'est pas ça, non. D'accord, ok, très bien, ouais. Okay, bah parfait. Nickel. Bon, bah, c'était un plaisir de passer à l'émission. Bah, écoute, c'était un plaisir de t'accueillir. Et puis, bah, rencard sur Facebook et Twitter, hein, puisqu'on se parle là-dessus. Bien sûr, mais pas de problème. Salut Laurent. Pas de problème. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao à toi, Laurent. Bye. Nico, bah, écoute, bon courage avec ton histoire, surtout. Et puis, bah, fais gaffe, essaie d'avoir de meilleures notes. Au final, c'est un peu ça qu'on peut te souhaiter, hein. Ouais, ouais. Bon, passe une bonne soirée, une bonne nuit même. Ouais, ouais, ok, salut. Mais j'ose plus parler, en fait. Mais si, bah, pourquoi je vais dire, en fait. Non, mais non dire, en fait. Mais non, attends, qu'est-ce que tu racontes? On rigole avec toi. Il y a pas de problème. Nous aussi, tu sais, on a des tics comme ça. Il y a aussi des mots comme ça que je sors souvent. Donc t'inquiète. Hein. En fait. Hein bah, non, mais je savais pas qu'il disait ça. Ah ouais, mais c'est pas grave. C'est mais pas grave. Je te promets que d'ici la fin de la semaine, tu le dis plus. Hein. Ouais, ouais. Ouf. Mais tu sais, moi aussi, il y a des mots que je sors souvent comme ça là. Bah maintenant, j'en cherche un, je trouve pas. Tiens. Attends, bah, je cherche. Mais oui, putain, on le dit tout le temps là. Mais c'est quoi? C'est... évidemment, évidemment. Ah ouais, évidemment, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Évidemment, si je le sors assez régulièrement, donc tu vois, c'est pas grave. Ouais, non, c'est clair, c'est pas et grave. Et tu dis toujours aussi 42, 48, 5000. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ou 02, 851, 4x0. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est aussi. Fun Radio souvent. Aussi. Ah merde, putain, vrai que je change, hein, je vais donner notre nom de radio pour voir. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Nicolas. En tout cas, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok, ben salut, sinon je vais juste dire, son drap, elle est vraiment cool, quoi. Ah ouais, bah je vais te la repasser. Ok. Allez, drague-la, Nicolas, ça lui fera plaisir. En fait. Tu mets une petite cartouche, ça lui fera encore plus plaisir. Ça fait longtemps là, mais n'oublie pas de prendre l'antiseptique. Bah, je sais pas quel âge elle a. Tu sais, non, bah, il vaut mieux pas savoir. Attends, Sandra, écarte un peu les jambes pour voir. Ah oui, oulala. Ah, depuis hier, il y en a toujours. Hein. Ah bah, hey. Elles se reproduisent à l'intérieur. Hein. D'ailleurs, il y a quelle qui se reproduisent à l'intérieur. En plus, on a pu analyser hier que c'est les bouches vertes. Bon, attendez, je m'en charge. Oh mais quel talent, quel héros! Oh putain, elle crève pas. Attends. Parfait, c'est bon, j'ai tout niqué d'un coup. T'imagines comment il donne de sa personne? Bah t'as vu un peu tout ça pour aider l'équipe. Ouais. Et ça c'est bon. Quel homme. Bon bah salut Nico, à bientôt. Hein. Salut. Ciao, dans un instant la réponse à la colle, Hugo, là, on la repasse vite fait. On la repasse vite fait, la colle, Hugo. Ok. Allez, vas-y, fais péter la colle. Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Alors apparemment c'est donc un jeu de mots, c'est ça? Oui. Bon, très bien. Oh putain, t'es vraiment au taquet. C'est super mou, toi. Y a personne qui est mort dans ta famille, rassure-moi. Non, non. Bon bah ça me rassure. Je suis malade, c'est tout. Ah d'accord. Bon bah alors il y a toujours un écran plat à gagner, l'écran plat Full HD. LED également, hein. Donc c'est y a LCD, il y a plasma, et bah nous c'est LED, c'est mieux, c'est le top du top, c'est anti-consommation. Enfin anti, ça consomme moins quoi. Donc si vous voulez, j'aurais pu faire vendeur chez Carrefour. Sans problème. Donc allez-y, si vous avez la bonne réponse. Donc comment appelle-t-on la femelle du hamster? Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. N'hésitez pas évidemment. Bonne chance tout le monde. Je vous rappelle que si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous repartez avec l'écran plat LED Full HD. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que ça ne décroche pas, c'est Hugo qui repartira avec, bah, avec le cadeau. Hugo, on te reprend dans un instant, d'accord? Ok. Allez, bouge pas. On a aussi Jessica là qui sera avec nous. Bonsoir Jess. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va et vous l'équipe? Bah ouais, on va plutôt bien là. Tu veux un message de bienvenue ou t'écoutes depuis combien de temps l'émission? Alors moi je vous suis depuis très longtemps. Très longtemps. Et le si. Ah, et est-ce que toi t'es un peu comme Toff? Je connais pas. Salope. Non. De quoi? Est-ce que toi t'es un peu comme Toff? Une grosse salope. Ou pas? Non. Non, bon, bah ça va. Non, mais ça me rassure, c'est bien parce qu'il y a Kotov qui est comme ça. Bon, on parlera de quoi avec toi dans quelques minutes, Jess? Bah, moi, c'est parce que j'ai un petit souci, c'est que, j'ai une relation à distance et je veux aller rejoindre mon copain et c'est très compliqué. Il s'appelle Toff? Non. Non, c'est pour être sûr, je me renseigne. D'accord, ok. Oh mon dieu, non, tout de suite. Elle a raison. Bon, bah, Jessica, reste avec nous. Alors, on va se mettre Martin Garrix maintenant avec Animals et puis on fera quelques appels par rapport à l'horoscope. Mais avec plaisir. Allez, bienvenue tout le monde, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. Allez, bienvenue sur Fun Radio. Michael. No. Limit. Tous les soirs. 23h, 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct évidemment avec la réponse à la colle dans quelques minutes sur Fun Radio. Et il y a Christophe qui dit ce soir ça manque de canulars téléphoniques. Bah non, attends une seconde, on en a fait tout à l'heure. On va refaire un petit effectivement maintenant. Je rappelle que donc nous avons. Bah, j'ai trouvé un horoscope du sexe. Un horoscope du sexe, effectivement. Je l'ai mis sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez d'ailleurs aller le voir, le partager, le liker et simplement nous donner votre signe astrologique. Donc pour savoir si effectivement vous êtes plutôt bien ou pas bien en sexe en fonction de votre signe astrologique. D'ailleurs, justement, Jessica, tu es de quel signe ? Sagittaire. Sagittaire. Alors, Sagittaire, c'était bien, me semble-t-il. Attends, je vais revérifier. Ah, Sagittaire, tu as tout essayé, a priori. Bah écoute, on peut dire oui. On peut dire oui. Tu es une cochonne. Mmh, Jessica, combien mesures-tu ? Oh putain. 1m60. Combien pèses-tu ? 40 kilos. Quel est ton tour de poitrine ? Oh, il faut manger maintenant. Hein. Oh non, c'est parfait, j'aime bien. Non, non, mais bon. Ouais, ça va faire un bon petit cul, tu vas voir. Ouais, ouais, ça rebondit, ça c'est bon, ça voilà. C'est bon, ça c'est bon. Quel est ton tour de poitrine, Jessica ? 95 B. D comme Denise ? B. Ah, B comme c'est bien. Ouais. Comme beat. Enfin, comme. Pardon, pardon. Comme boobs. Pas mal. C'est pas comme mal. Boobs. C'est pas mal. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 34. Oh, tu oui, vois, je te l'avais dit. Oh merde, pardon. Moi, je suis d'accord. La chèvre. Salope. Allez, qu'est-ce qu'elle est bonne. Non, il s'est emballé, Jess. Bon, Jess, avant de parler avec toi et avant de récupérer Justine qui est toujours avec nous, hein, elle est en VIP dans le standard parce qu'elle est à l'hosto et qu'elle a pas la radio, sinon elle se fait chier. C'est un peu ça, hein. Bon, bah ouais, et d'ailleurs, bon. J'ai un numéro à te filer. Ah, bah je te repasse Sandro directement alors pour que tu files le numéro pour qu'on puisse appeler. En attendant, vous avez été nombreux également à balancer des numéros de téléphone pour qu'on puisse appeler des gens en envoyant un mail à Sandro, sandro@funradio.fr. Et donc on l'appelle maintenant. C'est parti, hein, Jess, tu restes avec nous ? Pas de soucis. Allez, c'est parti, on y va. Prêt, Toff ? Toujours prêt. Allez, c'est parti. Hier, on a eu du très très lourd, on a eu plein de nouveaux amis. J'espère que ce sera le cas encore ce soir. Là ça ne décroche pas déjà, ça commence bien. Oui, allô ? Votre correspondant vous a mis en attente. Veuillez patienter. Cette vieille voix. Allô ? Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais connaître votre signe du zodiaque. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. J'étais au téléphone avec votre femme parce que, en fait, je voulais connaître son signe du zodiaque. Non, mais là, j'ai pas le temps. Bah, oui. Vous appelez à cette heure-ci pour ça, c'est pas la peine. Bah oui, mais enfin bon, là vous pouvez répondre maintenant qu'on est au téléphone. Non, mais je vais pas passer la nuit à vous répondre à vos questions. Vous voulez quoi au juste ? Bah savoir le signe du zodiaque de votre femme. Non, mais vous n'allez pas savoir. Bah si, puisque en fait c'est pour savoir comment elle est au pieu. Quoi ? Bah en fait je veux savoir comment elle agit au lit avec vous, quoi. Donc du coup, avec son signe du zodiaque, je saurai. Ah, tu veux qu'elle vienne te casser la figure ou quoi ? Cette pute. Non, monsieur, je veux juste savoir son signe du zodiaque. Tu vas te faire enculer. Non, moi je veux savoir comment elle réagit avec vous. Pas avec moi. Tu as compris ? Non, j'ai pas compris, monsieur. Tu as pas compris ? Non. Mais vous me prenez la figure, je te niquais ta race, tu vas comprendre. Non. Mais je vois pas pourquoi tant de haine, monsieur, alors que moi je vous appelle juste pour vous demander un signe du zodiaque. Mais va te faire enculer. Ce florilège. Quelle sympathie. Oh, ce florilège. Il y a Kevin aussi qui dit en train de bosser en vous écoutant pour une première, c'est nickel. Ah bah, sois le bienvenu, Kevin. Soyez les bienvenus aussi, tous les nouveaux qui débarquent là au fur et à mesure tous les soirs. Il y a Lilou aussi qui dit excès de mollesse à l'instant. Et il y a Beach qui dit un petit message de bienvenue, s'il vous plaît. Vous êtes super. Bien sûr, Beach. Mais en même temps, avec un pseudo pareil. C'est une grosse salope. Ah, je suis désolé, mais c'était tendant. Hein. C'était tentant, pardon. On appelle encore un autre ? Allez, on y va. Hein, Jess, on a encore un petit peu de temps là. On appelle encore un autre ? Y'a pas de soucis. Bon allez, c'est parti, on y va, on y retourne. Allez, c'est reparti. Allez. Allez, minute 30. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais connaître le signe du zodiaque de votre femme. Vos pères. Bah en fait c'est pour voir si ça correspond bien par rapport à la description que j'en ai de sa façon de faire l'amour. Et moi je vais baiser ta mère, non ? Je vois pas pourquoi, monsieur, je vois pas le rapport. Non mais qu'est-ce que tu me parles comme ça de ma femme, toi ? Allez, vas-y, va te faire enculer, casse-toi. On va rappeler, hein. On va le rappeler encore un coup, lui. Parce que lui il était... Ah ouais, lui il était bon client, là, il était très bon client. Bon, Jess, on le rappelle, hein. Bah allez-y, rappelez-le. Justine, on rappelle. Oui. Bon, allez, c'est parti. Oh là là là là. On rappelle. Quelle puissance. Il fait pas du porte-à-porte. Oh, ah non, ouais. Attends. Oui, excusez-moi, mais on a été coupé. Ouais, non, c'est pas coupé, c'est moi qui a coupé. Bah, pourquoi vous avez coupé, monsieur? Vous aviez pas répondu à la question. Parce que j'ai pas envie de te répondre, c'est tout. Tu me lâches, c'est tout. Bah, attendez, moi je vous pose une question, vous pourriez répondre, monsieur. Enfin, c'est pas gentil. Bah, non. Bah, pourquoi? Parce que j'ai pas envie, c'est même pas la peine de rappeler, je raccroche et je décroche plus. C'est parce que c'est pas terrible au lit que vous voulez pas me donner la réponse? Ah bah il veut plus décrocher là, pour le coup, enfin il veut plus répondre surtout. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Ah on a été déçus sur la fin. Bon enfin c'est pas grave, on a quand même eu un nouvel chauffé, ami. Là, et puis... Bah ouais, on a quand même eu un nouvel ami et ça c'est le principal quoi. Hein. Toi fils de pute dans le cul de ta grand-mère. Oui c'est vrai que c'est un ancien ami, je l'avais oublié celui-là, effectivement, tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus. Bon alors Jess. Oui. Et Justine qui nous a donné un autre numéro a priori, donc on va pouvoir l'appeler dans quelques minutes. Hein, Justine. Ouais, ça marche. Très bien. C'est qui qu'on va appeler là, Justine? Ben en fait c'est l'ex de Alice, celle dont je vous ai parlé là, ma copine. Oui, mais rappelle-moi parce que déjà moi j'ai oublié donc. C'est une nouvelle. Ah oui, la nouvelle qui j'ai mis un petit message de bienvenue. Oui, j'ai fait une dédicace à Alice tout à l'heure. Et t'es dit, la nouvelle à qui j'ai mis un petit coup de bite. Mais non, t'es pardon, con, j'ai peur. Ouais, con, ça, voilà, bon, c'était pour Polo. Bon, alors, très bien, parfait. Donc, on va l'appeler dans quelques minutes. Justine, reste avec nous. Et puis, Jessica, okay. Donc, qu'est-ce qui t'amène, Jessica? Alors, moi, je vous explique. Je vais essayer de vous expliquer ça en gros. En fait, j'ai rencontré mon copain. Donc, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Donc, au début, ça a commencé par Internet. Puis après, bah, je suis descendue le voir. Donc, il est du côté de Toulouse. Donc, je suis descendue le voir. Ouais. Et bah mon projet, c'est vu que voilà, bah ça marche super bien entre nous et qu'on n'a pas de soucis, il n'y a pas réellement grand souci entre nous. D'accord. Moi, et vu que j'habite chez mes parents, j'ai envie de bouger de chez mes parents, donc de m'en aller et de le rejoindre. Sauf ok. Que oh, c'est mignon. Bon, attends, mais toi, t'es où, toi? Moi, je suis de la Haute-Savoie. On a un jet. Ah ouais, Haute-Savoie, Toulouse, ouais, ça fait. Je peux te prêter mon jet privé si tu veux. Hein. Y a pas de soucis, vas-y, on va. C'est arrivé. Et voilà, directement arrivé. Il y a un truc qui est arrivé en plus, là, ouais. Fallait que je vous en parle. Putain, ça, c'est quand même mon rêve. Non, mais c'est vrai, il y en a qui vont dire que je suis complètement barré, mais c'est quand même. Non, mais c'est vrai, c'est quand même mon rêve. C'est-à-dire qu'il y a un mec. Bon, c'était un petit avion. Il y avait un pilote, et donc il y avait 2-3 passagers dans un petit Cessna, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment un avion pour 4 ou 6 personnes, c'est tout petit. Le pilote tombe dans les pommes. Ouais. Et le mec, donc un des passagers a dû reprendre le contrôle, il a atterri. Ah, mais là, je peux kiffer ma race de faire ça, moi. C'est mon rêve d'atterrir. En fait, quand je prends l'avion, j'espère qu'un des deux pilotes vont glisser. Oui, je confirme. Mais parce que je peux le faire, j'ai déjà fait dans un vrai simulateur de vol chez British Airways. Donc j'aimerais bien le faire en vrai. Mais évidemment, ces connards, ils sont tellement. C'est tellement des petites bites que jamais ils vont me dire bah tiens, vas-y, je te laisse mon Boeing, essaye. Bah, en même temps, s'il n'y a plus que toi pour le faire atterrir. Ouais, mais enfin, c'est quand même un Boeing, c'est cher, tu vois. Mais Non, mais après, c'est bien parce que je vais être applaudi, tu vois, une fois que j'aurai atterri, je veux que les mecs derrière, tu vois, ils applaudissent comme chez Ryanair, tu vois. Ouais. Non mais tu seras héros national si tu fais ça. Ah mais bien sûr, mais c'est ça le top quoi. C'est ça le top du top, ça peut être énormissime. Ah, oh, j'aimerais bien. Oh là là, ouais, là, ouais, là. Ça doit être cool. D'ailleurs, on va prendre l'avion avec Toff et Polo là, ouais. on part à Prague, ouais. dans une semaine et demie. Je croise les doigts. Arrête, c'est je horrible. Croise les doigts. C'est horrible. Ah non, mais ça peut être énormissime. Oh là là, la folie totale. Au moins, on aura des trucs à raconter en rentrant. Bah oui. D'ailleurs, ça vous ferait peur que j'atterrisse comme ça, que je prenne le contrôle? Oui, tour de contrôle, ici le vol F-17-17. Non, ça peut être. Toff, oui, Toff, je pense qu'il peut chier dans son falzar. Non, parce que moi j'étais avec lui quand il a fait atterrir chez British, donc ça va, je sais qu'on a pas. Ça avait un petit peu remué, et puis Toff il avait pris les commandes alors que lui il avait déjà vu des cours. Oui, je vais atterrir. Bah, on s'est écrasé. Non. Ah si, la première fois non. On s'est écrasé, c'est la non, seconde. Non, c'est Polo qui l'a écrasé. Non, Polo il a mis l'avion en mode immeuble lui. Et la meuf avait dit, ouais, c'est bon, vas-y. Moi je l'avais posé tellement délicatement qu'en fait on s'était pas rendu compte. Ouais, on s'est pas rendu compte, ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon, du tout, dites-nous ce qui vous ferait peur. Qu'est-ce qui vous ferait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous bloque pour faire des choses dans la vie de tous les jours, par exemple? Tu vois, il y en a qui peuvent pas, par exemple, pas sortir de chez eux sans avoir éteint 17 fois la lumière, ouais. Sans avoir vérifié que le gaz était coupé 14 fois. Les portes, moi, je vérifie la porte du bureau 2 fois ou 3 fois. Ah ouais, complètement. Non, je vous demande ça parce qu'en fait, il y a un Anglais de 12 ans qui a coûté plus de 40 000 euros à ses parents parce qu'il avait, trop peur de prendre l'avion justement. Non. Et donc entre les billets annulés, l'hôtel, la thérapie sur place, il est resté 18 mois avant d'arriver à reprendre l'avion. Alors venez nous dire justement les phobies que vous avez qui vous pourrissent la vie là. On en parle et puis on parlera également avec celle de Toff, hein, parce que lui aussi il en a une belle de phobie. Ah ouais, hein. Grave. On parlera de sa phobie, de la peur du vide dans quelques minutes. T'as une phobie toi ou pas Justine? Non. Et toi, Jessica? Non, sans plus. Aucune. Que je flippe un... Juste que je flippe un peu des araignées, j'avoue. Ah oui, ouais, moi aussi. Mais bon. Ouais, mais bon, ça vous empêche pas de sortir de chez vous, ça vous empêche pas de rentrer chez vous. Si vous voyez une araignée, vous faites, vous tombez pas dans les pommes. Non, mais bon, moi, j'écrase. Ah, tu l'écrases. Bon, pauvre bête, au lieu de la remettre dehors, elle a rien demandé. Non, c'est toi qui dis ça. Moi, je les écrase pas, moi. Non, toi, tu les mets au truc. Non, c'est faux. Non. Tu dois confondre avec Michel. Oui, avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, c'est ça. Ça m'arrive aussi. Confondre avec quelqu'un d'autre. Bon, oui, je les gèle. Oui, bah voilà. C'est dit. Bon. Quoi? Mais c'est drôle parce qu'après, elles sont en cristal comme ça. Hop, et ça casse. Ah, t'es dégueulasse. Bah quoi, au moins, c'est un artiste. Tu peux y aller avec la balayette. Oui, pardon, un artiste. Voilà, c'est ça. C'est de l'artisanat. Grâce à la neige carbonique. Exactement. Bon, déjà dire oui, donc Jessica, tu nous appelais pas pour ça à la base. Donc si vous avez des phobies, tout ça, appelez Sandro, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Pareil sur Facebook et Twitter, vous mettez le hashtag et Mickaël, on en parle. Bon, Jess, toi, toi c'est un problème d'amour à distance. T'es sérieux, Sandro? Merde. Qu'est-ce qu'elle m'a? Elle bouffe du 4 quarts. Mais arrête avec ce putain de 4 quarts. Arrêtez, c'est ma crêpe du con, me faites pas chier. C'est du 4 quarts. Mais te fous pas de ma gueule. Attends, excusez-nous là, on enquête. Oh. Je ne veux plus voir ce putain de 4 quarts. J'en veux plus. Je l'ai donné pour pas le manger, je l'ai donné, je l'ai offert. Tu veux pas un 4 quarts, Jessica? Enfin, bon, un demi quart là maintenant. Le temps qu'il arrive, je sais pas si il sera encore bon. Ah bon, d'accord, ok. Bon, c'est con. Depuis le temps qu'il traîne dans le bureau, ouais. Il y a moyen qu'il soit encore bon. Bon, Jess, donc toi tu nous disais que tu voulais faire pas l'amour à distance, mais de vivre une histoire d'amour que tu vis déjà à distance. T'aimerais bien le rejoindre, ton mec qui habite à Toulouse, soit t'es en Haute-Savoie, et tu sais pas comment faire. Prendre train. Ouais, descendre la montagne. Attends, prenez votre billet, mademoiselle, s'il vous plaît. Et vous avez pas composté? Vous avez pas? Hein? Eh ben, c'est PV, hein. Je vous mets l'amende. Oui, mais j'ai le billet. Oui, mais vous n'avez pas composté. Ouais. Arrête, j'ai droit une fois par mois déjà. De quoi? De prendre le train pour aller voir ton mec? Bah ouais, puis composter des billets, je le fais jamais. Chaque fois, je me fais choper. Tu te rends pas compte de la chance que t'as? Ah oui, complètement. Hein. Tu te rends vraiment pas compte de la chance que t'as. Hein. Tu te rends compte de la chance que t'as? Parce que moi, c'est mon rêve, ça, d'avoir de composter. D'avoir une femme à distance. Comme ça, tu vois, elle me saoule pas, quoi. Très bien. Oui, ça va de temps en temps, profite des bons moments et je la revois. C'est vrai. Écoute, ça peut être positif, mais ça dépend. Tu peux dire ça à mon copain, il vous écoute. Ouais, très bien. Bah, il écoute. La chance. Eh bah, tu sais, comment il s'appelle ton copain? Christopher. Hey Christopher, ta copine? Une grosse salope. Ah oui. On la connaît depuis longtemps, nous. Qu'est-ce que tu crois? Ouh, elle a déroulé du câble. Oh là là là là là là là là là là, ça c'est clair. Va te faire foutre, connard. Voilà, c'est tous nos amis qui te parlent. Elle en a fait des kilomètres. Exactement. Bon, Jessica, on va demander l'avis des autres. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous avez déjà tout plaqué chez vous pour aller rejoindre votre copain ou votre copine à l'autre bout du pays, de l'Europe, du monde peut-être, on sait jamais. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Je repense à ce message qui est arrivé hier sur Twitter hier soir avant que j'aille dormir. Un auditeur qui dit: ouais, salut, je suis tahitien et je vous écoute. Alors je dis: cool, t'es à Tahiti? J'ai déménagé à Brest. Ah oui. Ah, je me suis trompé, mec. Non, mais c'est à dire que il me dit: ouais, au début c'était dur, mais ça va, je me suis habitué. Putain, Tahiti et Brest, aïe aïe aïe, c'est ouf. C'est chaud quand même. Non, franchement, ouais. Ah ouais. Mais même Tahiti, autre part, c'est chaud. Ouais, mais c'est ça. Ouais, le mec, ouais. Non, mais Brest, c'est-à-dire que le mec, il a dû arriver dans un truc tout gris, il y a que des bateaux. Il y a la mer là-bas, quoi. Ouais, bah non, mais il y a la mer dans les deux côtes, les deux coins, c'est pas ça, mais. Vas-y, trouve-moi un mec qui habite à Brest qui veut dire que Brest, c'est génial. Mais ça doit exister. Bien sûr. Allez, Brest, là, vous appelez 01 42 48 5000. Mettez-le dans son cul à cette grosse salope. Exactement. Il faut pouvoir me dire des points positifs et tout. Hein. Il y a une mairie. Il y a une boulangerie. Il y a une pompe à essence Leclerc. Ouais. Il y a Carrefour. Ouais. Il y a. Allez, Brest. Une boutique SFR certainement, Orange, Bouygues, enfin ouais, tout ça quoi. Ouais, mais sinon comme truc vraiment, tu vois, tu te dis je vais aller à Brest pour voir ça. Ah, il ouais. Y a un restaurant. Il y a un flunch, ouais, mais sinon flunch, à part ça. Bah il doit y avoir aussi Bienvenue à Brest. Ouais. Non. Chez Léon. Ah, chez Léon, sûrement qu'il doit y avoir un chez Léon. T'es dans ces trucs où il y a tous les restaurants de la ville. Voilà, c'est ça. Il y a Stéphanie qui dit: je suis d'accord avec Polo, faut de la distance, mais pas trop quand même. Et Joe Fury qui dit: moi, ma phobie sont les insectes, mais en faisant 1m93 et 106 kg, j'en ai peur. Suis-je normal? Oui, c'est vrai que t'es un peu balèze pour avoir peur d'une petite bestiole quand même. Hein. Léa qui dit ma phobie c'est le vide. Ah bah comme Toff. Poupette qui dit je veux pas voir, je peux pas voir les serpents et Britannis qui me ferait peur, c'est de prendre l'avion avec Toff, mort de rire. Et Noël qui dit Michael No Limit Airlines. Oh putain le kiff. Alexis qui dit mon toc c'est vérifier ma porte d'entrée tout le temps pour voir si elle est bien fermée. Et alors t'as pas idée aussi sur le Twitter qui dit respecte Brest s'il te plaît Michael. Ouais, moi j'ai rien dit, c'est Toff ouais. Pour le coup. Mais moi je respecte les mecs qui habitent là-bas et tout, je sais quoi, voilà. C'est difficile pour eux. Bon, Jessica reste avec nous, Justine reste avec nous également. On va appeler l'ex d'Alice qui donc est une copine de Justine par rapport à son à l'horoscope du sexe hein, pour savoir si vous êtes bon au lit ou pas en fonction de votre signe. Et on va s'écouter le son de alors Justine et Jessica Dubs alias DVBBS, ça vous branche? Ah ouais carrément. Allez. Vous voyez allez. Ce que c'est hein, les filles hein. Ou pas, vous pouvez me dire, hein, c'est pas grave. Hein. Ah si si. Bah c'est j'ai ça. Sur mon portable. Voilà, donc c'est vos mots, ça vous branche, c'est vendu, carrément. C'est signé, on est d'accord ouais. Allez, c'est parti, bon, on va se l'écouter maintenant sur Fun Radio. Eh ben, soyez tous les bienvenus, on s'écoute le son de Dubs. Alors ça s'écrit DVBBS, mais ça se prononce Dubs. Et c'est le son de Tsunami sur Fun Radio. Il est 1h15, là, c'est Mickaël No Limit, il n'y a pas de pub. Prenez le contrôle de Fun Radio, c'est, on est là, il y a enfin quelque chose à écouter la nuit sur Fun Radio. Alors profitez-en bien. Le son de Dubs à l'instant sur Fun Radio avec Tsunami. Il y aura Michael Moore, on l'avait promis tout à l'heure à l'auditeur, c'est Nicolas. On va se faire péter le son de White Walls sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, il est minuit 48. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, No Limit. On Fun Radio. Et il y a plein de messages qui sont arrivés. Il y a Nico qui dit c'est quand que tu me souhaites la bienvenue. Bon bah si tu veux, tiens, attends, voilà un petit message de bienvenue. Espèce d'enculé, va. Voilà, bienvenue Nico. Il y a Geoffoury qui dit annonce. Je cherche petite salope loin du 28 qui pourrait venir chez moi deux heures pour forniquer puis gentiment repartir chez elle. Une grosse salope. Ah bah voilà, Joe Fury, bah le message est passé. Il y a Angelina qui dit aussi moi je déteste être enfermé, genre dans un ascenseur je suffoque. Parce qu'on parlait des phobies aussi, hein. Qu'est-ce que vous aviez comme phobie? Il y a Gilbert sur le Twitter qui dit je suis en train de faire mes devoirs et c'est beaucoup plus cool en vous écoutant. Mais mec, si tu les fais à 1h du match, comment t'expliquer que je crains que la note ne soit pas très très élevée? Il y a Lavigne qui dit il y a Océanopolis à Brest qui est comme énorme, Toff. Hein. T'as vu? Hop là. Ok, Océanopolis, ok. Et il y a aussi le Paris-Brest. Ah. Mais le Paris-Brest, ça intéresse que Sandro. Voilà. Il y a Sandra aussi qui dit la peur, moi j'ai la peur du dentiste. Solomon qui dit relation longue distance, moi j'ai pire, j'ai une femme, on s'aime à mort, elle vit au Mexique. Viva el Mexicano. Eh si. Bah oui. Ah ouais, à Mexique ouais pour le con ouais. Stéphie aussi qui dit fais pas cette connerie Jessica, apprends à le connaître, j'ai connu mon mec sur un site de chat, j'ai tout quitté pour lui, ça dure ça a duré 8 mois et on pouvait plus se voir juste après. Ah bah t'as vu Jessica, c'est tendu quand même hein. Jessica Oui, t'inquiète, je suis là. Bah ouais, mais t'es avec lui depuis combien de temps? 4 mois. Ah ouais, non mais voilà. 4 mois, c'est un peu short quand même. Parce que tu vois, non mais voilà, tu vois, au début c'est toujours beau, c'est l'amour, on est amoureux, etc. C'est génial. Et puis réfléchis bien, tu vas quand même pas tout plaquer comme ça pour aller rejoindre un mec, ça se trouve dans un mois, t'en auras plein le cul. C'est ça. Ou lui, hein. Il pue des pieds si ça se trouve. Ouais, bah va savoir. Imagine, tu tombes. Non, je te rassure, il pue pas des pieds. Non mais imagine, ce qui paraît quand même certainement très improbable, mais imagine, tu tombes amoureuse de Toff. Oh, quelle horreur, ma pauvre. Oh là, là franchement Mickaël c'est ouais non mais ça c'est, j'ai pris l'extrême. Là, on j'ai pris l'extrême on est mais imagine là, tu plaques tout, tu montes jusqu'ici pour Fouriani. Pour être avec lui et puis là tu te rends compte en fait que c'est un gros connard, pour peu que tu te sois pas rendu compte de ça avant, ce qui ferait de toi une meuf un peu fermée aussi, mais bon. Depuis le temps que je vous suis quand même, je sais que c'est ouais. Attends, mais je suis, t'es derrière nous là. C'est un exemple. Oui, attention. Fais gaffe parce que il y a toujours ça qui traîne quand t'es derrière Toff, hein. Fais attention quand même. Hein. Non mais c'est vrai. Fais gaffe. Bon, il vaut mieux se méfier. Bon, et donc du coup, donc fais attention, 4 mois c'est quand même relativement tôt encore. Hein. Bah je sais bien, ouais, mais... Bah attends, il y a Amélie, et arrête de fumer Jessica. Ouais. Il y a Amélie aussi qui est là de Seine-Maritime là. Salut Amélie. Salut. Comment ça va? Ben ça va et vous? Ben ça va bien, Amélie. Jessica? Oui. Elle a allumé ta clope là? Non, je l'éteinte. Ah, tu veux que je la rallume? Attends, je prends le lance-flamme. Bon, on va te brûler un peu la gueule. Voilà, c'est ça. Mais au moins, finalement, comme ça, ta clope, elle sera cramée, tu la fumeras plus, tiens, c'est bien. Bon, Amélie, comment ça va? Ben ça va très bien. Bon, t'as 21 ans, toi, donc t'appelles du 7-6, hein, Seine-Maritime. Très bien. Ouais. Et toi aussi, tu vis une relation longue distance, Amélie? J'ai vécu. Ah, donc tu n'es plus avec cette personne? Non. D'accord. Ah, très bien. Combien mesures-tu? 1m73. Combien pèses-tu? 80. Bien. Quel est ton tour de poitrine? 95 E. Ah, quand même, ouais. Ah, ouais, ouais. E comme enculé? Ah, mais E comme énorme. Ah, pardon. E comme ah, oui. Énorme. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 44. Enculé comme, comme Toff. Bah va te faire enculer, connard. C'est un peu trop pour moi, je passe mon tour. Mais quel con, alors t'as vu ta gueule? Est-ce que t'as vu ta gueule? Allez vous faire foutre. Non mais sans déconner, oui, parce que lui il a oublié un R malheureusement, effectivement, oui. Bon, et ah, j'avais encore celui-là. Votre grand-mère est suce des nains. Voilà, c'était notre nouvelle amie qu'on avait rencontrée hier. T'avais écouté l'émission hier ou pas, toi, Amélie? Oui. Ah, très bien, tu as vu quand t'as les nouveaux amis de Toff? Oui, ils sont très bons. Qu'ils l'ont bien insulté comme il fallait. Ouais, elle m'habite sur ton front. Voilà, c'est ça. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Voilà, donc tout ça, c'était des petites insultes pour Toff. Et Dieu sait qu'il le mérite. D'ailleurs, je lui mets un coup de pelle dans la gueule. Bon, Amélie, tu voulais réagir à Jessica? Pour tasser le tout. Ouais, c'est ça. Alors, on t'écoute, Amélie, sois la bienvenue. Bah, moi, je voulais lui dire que faut pas qu'elle se précipite trop, parce que moi, j'ai voulu faire pareil et j'ai regretté à la fin. Ah, c'est toi qui avais laissé un message sur le Facebook ou le Twitter? Non. Ah, je pensais, parce que quelqu'un avait dit pareil. D'accord, ok. Alors, oui, donc t'as regretté. Donc, t'as été avec lui depuis combien de temps quand t'es parti chez lui? Avec lui depuis 8 mois. Ah, ouais, 8 mois. Et donc, tu vois, et c'est le double, Jessica, et elle a quand même fait une connerie, c'est pour te dire. Mm-hmm. Ah, ouais? Non, mais c'est vrai, il faut faire attention. Mais au début, c'est toujours beau, c'est génial. Et puis après, en fait, c'est une merde. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez séparés, en fait, à un moment donné? Pourquoi? Pourquoi? Ouais. La famille me manquait trop, donc. Ah, c'est pas. En fait, c'est pas le Lascar qui te dérangeait, c'est ta famille. Bah non, il y avait aussi le Lascar, parce que bon. Il sentait mauvais, c'est ça? Il était plus comme avant, quoi. C'était pas pareil. C'est-à-dire? Bah, parce que à distance, il me promettait des choses, tout ça, et puis quand je suis arrivée là-bas, au final, bah. C'est Toff. Ah mais t'es sorti avec Toff. Ah non. Ah mais je pensais. Ah non. Ah pourtant ça avait l'air clair comme de l'eau de roche, ouais. Là, par rapport à ton explication, hein. Mais pourtant non. Ah pourtant, parce que pourtant c'est quand même un sale con. Oui, bah, je cherchais le mot, mais effectivement, mais merci. Sale con. Exactement, oui, c'est ça. Voilà. Ah, ouais. Non, mais ça ressemblait pile poil. Bon, ben bah, merci en tout cas, Amélie, d'être passée. Mais de rien. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à toi également, et on va te filer un pack, Amélie. Tu restes au standard. Il y a Sandro qui va prendre toutes tes coordonnées. Merci, c'est gentil. Gros bisous, salut Amélie. Gros bisous. Bon, si vous avez vécu des relations longue distance, vous avez été rejoindre votre mec, vous avez été rejoindre votre copine, venez nous en parler si vous regrettez ou pas, justement. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. On va donner la réponse maintenant à la colle. Allô Hugo, est-ce que tu es là? Toujours là. Très bien, tu vas peut-être repartir avec un écran plat. Écran plat Full HD, LED. J'espère. Bah écoute, je te le souhaite. Il y avait une colle, c'était la suivante. Comment appelle-t-on la femelle du hamster? On avait dit que c'était un jeu de mots. Et on va donc appeler maintenant quelqu'un qui a peut-être la bonne réponse. Si en tout cas cette personne a la bonne réponse, elle gagne. Si elle décroche, bien sûr. Si ça ne décroche pas ou qu'elle a la mauvaise réponse, c'est toi qui gagne, Hugo. Allez. Évidemment, à cette heure-ci, t'as plus de chances que ça ne décroche pas. Sait-on jamais. Allô? Oui. Oui, bonsoir, comment tu t'appelles? Nicolas. Très bien, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ouais. Et il y a Hugo qui est avec nous et qui a une colle à te poser, Nicolas. Oui. Hugo, c'est quand tu veux, hein. Comment appelle-t-on la femelle du hamster? Le Amsterdam? Non, c'est ça, Hugo, t'es sérieux? Ouais. Oh putain. Man de merde. Oh là là. Non mais t'es pas sérieux là. C'est un truc de ouf. Le Amsterdam. Bon bah Hugo c'est perdu hein. Nicolas bravo à toi, c'est gagné hein. L'écran plat est pour toi. Félicitations. Voilà l'écran plat, LED, Full HD. Tu vas pouvoir le mettre, je sais pas, le salon, la chambre, la cuisine. Je sais pas, tu vas le mettre où tu veux hein, Nicolas. Bah je sais pas parce que j'ai changé la télé il y a 6 mois en plus donc bon. Ah quel enculé, c'est à dire que tous les autres qui ont encore un écran cathodique doivent se dire putain le bâtard. L'autre il va avoir une deuxième. J'ai une TV LED 3D en plus. Ah en plus, bah écoute, t'en auras une pour ton lit. Bah voilà c'est ça, t'en auras une pour la chambre. Elle est déjà dans ma chambre en bon fait. Bah t'en auras une pour le salon. Bah tu sais pas, tu la mets où tu veux, voilà, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, c'est pas très au grave. Pire, tu la gardes pour Noël, tu l'offriras à ta sœur. Voilà, bah, par exemple, pourquoi ta sœur? Au pire, si t'as une PS Pro ou deux places pour Starflore, moi je veux bien hein. Attends, laisse-moi réfléchir. Et deux places pour Starflore contre la télé, on y gagne. On lui donne deux places. Ok, on donne les deux places et on récupère la télé pour nous. T'es dans quelle ville, dis-moi? Moi j'habite à côté de Angers. À côté de Angers, d'accord. Je peux te filer deux places pour le Starfloor, mais par contre, t'auras pas le transport. Enfin, tu viens à pied. Ah, mais même si c'est des places VIP, moi je m'en fous. Hein. Oui, bah t'emballes pas. Ce sera peut-être des places dans la rangée V, I ou P, je sais pas, mais. J'ai déjà mes places en fait. Ah, tu les as déjà, mais pourquoi t'en veux plus alors? Je comprends pas. Bah non, mais avoir des places VIP à la limite. Ah ouais, donc bah rangée V, I ou P, je vais voir. En fait. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. J'étais venu vous voir le 25 août. Ah oui, ce sont les choses qui arrivent. Et dans quelle rangée à ce moment-là? Non, écoute, tu vas gérer avec Sandro. Arrange-toi avec elle. Je sais pas ce qu'il y a. Écoute, arrange-toi avec elle. Mais des places du 4K, j'en ai pas pour le coup. Ça, c'est sûr. Déjà, on en a pas pour nous. Hein, donc on peut te filer un peu de 4K si tu veux. Avec plaisir. Tu prends la télé. Bon, hein, oui, bah voilà. Bon, bah salut Nicolas. Ok, bonne soirée. Allez, ciao à toi. Et ouais, Hugo. Je peux faire une dédicace? Allez, t'auras gagné ça au moins là, vas-y. À une seule personne, attention. Je peux pas deux, s'il te plaît. 5 euros. C'est le supplément, c'est comme Ryanair, tu vois. Dès le début, il est gratuit, après il te saigne. Ouais, et si tu veux faire 3 dédicaces, c'est 100 euros. Alors là, oui, ça c'est. Et alors, si t'oublies de payer, par contre, il y a l'amende. Bah oui. Ah bah bien sûr, évidemment. Bon, alors attention. Alors, dédicace pour Aurélie, ma meilleure amie. Et pour mon cousin Jean de Toulouse, mon cousin préféré. Très bien. Oh là là, tu n'hésiteras pas à faire le virement avec PayPal, hein, je donnerai mon compte. Et en plus, tes dédicaces étaient nulles. Ah, un petit message pour toi, Polo. Oui, tu es enculé, toi. Voilà. Avec plaisir. Bon, ben salut, Hugo. Salut. Allez, ciao, à bientôt. On va récupérer Jessica, on aura Thibaut aussi pour parler des phobies, là. Salut, Thibaut. Salut, bonsoir. Comment ça va? Ça va, et vous? Bah tranquille, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit appel là pour vérifier l'horoscope des gens? Allez-y. Bah, peut-être qu'il signe d'ailleurs, dis-moi, tiens, attends, je vais enlever cette musique de merde là, parce que ça va saouler. T'es Lyon, alors attends, les Lyonnais, n'importe quoi. Non mais je pensais qu'il appelait de Lyon, j'avais oublié moi-même ma question, c'est pour vous dire. Alors Lyon, le seul signe qui vous fait grimper au 7ème ciel. Ouais, et donc il s'en bat un peu. C'est plutôt moi qui fais grimper les filles au 7ème ciel. Bah oui, c'est ça, dit, ouais. C'est ce qu'il dit, le seul signe qui vous fait grimper au 7ème ciel. Non mais c'est pas ça, c'est moi qui fais. Ouais, et bon, c'est fini maintenant. Tiens, un message pour toi, Polo. Tu es enculé, toi. Et pour Toff. Sale con. Voilà. Ah, et pour Toff encore. T'es une grosse salope. Voilà. Bon, Thibaut, on va parler des phobies dans quelques minutes. Ouais, y a pas de soucis. Ouais, bon, ben en attendant, on fait un petit appel. Justine, on va appeler l'ex de ta copine pour lui prendre la tête, en fait, tout simplement. Hein. Bah, y a pas de soucis, mais par contre, lui parlez pas de Alice. Bien sûr que non, tu nous as pris pourquoi? On est des professionnels. Non, mais sérieusement. Ouais, et les mecs, on va commencer. Ouais c'est pas Alice qui nous a donné. Oh, les connards, voilà. Bon, en attendant d'avoir le numéro dans le standard, il y a Let's Be Frieds. J'imagine que c'est une autre, hein, Let's Be Frieds. C'est sa cousine. Qui dit, j'ai une relation à distance, elle m'a fait beaucoup souffrir, elle s'appelait Lucie. Et on avait 15 ans. Alors, et quoi, il y a 1m60, blonde aux yeux bleus, 95B, 47 kilos. Le dernier pantalon que j'ai acheté, c'était du 36. Ah oui, c'est pas mal. Attends une seconde. J'en ai perdu ma musique. Hop là. Une grosse salope. Voilà, merci à toi. Je suis moi-même DJ animateur radio sur Bordeaux. C'est une radio locale. Mais votre émission me déchira plus. Et c'est fini 33. Eh bah écoute, merci. Radio Canelé. Il y a Grégory aussi. Un message pour toi, Polo. Et tu es enculé, toi. Voilà, il y a Chochoa aussi. Enfin, c'est Morgane plutôt qui dit la blague sur les places VIP m'a juste tué. Et Grégory qui dit, moi je trouve top la relation à distance. Moi, ça fait 7 ans que ça dure. Bah ouais, c'est vrai. Et Kevin qui dit une relation à longue distance, c'est chaud. Je suis sorti avec une fille qui habitait à 600 km de chez moi. J'ai tout quitté pour elle. Et au bout d'un an, elle m'a fait cocu et m'a foutu à la rue, donc faut se méfier. Ouais, après, ça peut arriver avec n'importe quelle fille, n'importe quel mec, hein. Faut pas non plus faire une fixette. Bon, Justine, on y va? On y va, c'est parti. Allez, on appelle l'ex de ta copine Alice, c'est parti, pour voir de quel signe il est, voir s'il est bon au lit, ou etc. Ok. Il a pas de meuf en ce moment? Je sais pas. Bon, ben on verra. Allez, c'est parti. Je débrouille. Oui, bah écoute, déjà faut que ça décroche. Allez, sinon on a d'autres numéros au cas où. Ah, elle nous a porté la poisse, Justine. Ouais, ça fait deux fois. Là. Deux fois qu'elle. Oui, allô? Ça, allô? Ouais, c'est plus le répondeur. Ah bah bravo, Justine. Oh, tu nous as fait que de la merde depuis deux jours. Hein. Tous les numéros que tu nous as donnés, ils étaient en bois. Oh, bon. Bon, écoute, on va appeler un autre numéro là, quelqu'un qui nous a envoyé un autre numéro. J'espère que ça va sonner. Ça va sonner, mais que ça va décrocher surtout. Donc on appelle. Allez, c'est parti, Toff. Allons-y. Allez, on y va. Oui, bonsoir, monsieur. rapide. Oui, c'est qui? Ouais, c'est Toff à l'appareil. Comment? Non, je dis c'est Toff à l'appareil. Ah, je connais pas. Non, on se connaît pas, mais je voulais connaître le signe du zodiaque de ta femme. Mais tu peux être gratté, gros con. Bah, je vois pas pourquoi, monsieur. Bah, va te gratter. Attends, on rappelle. Hey, il était rapide du décrochage, lui. Hein, ah ouais, alors, t'es chaud. Ouais. Alors, on y retourne. Ouais. Ouais, excusez-moi, mais vous avez coupé un peu vite. Vous avez pas eu le temps de me donner la réponse à la question. Ouais, c'est ça, va te faire foutre ta mère, va. Enfin, mais... C'était encore une fois du gratuit. Mais quelle violence. Bon, on en appelle encore un autre, hein, Justine? Ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle Thibaut, d'accord? On en appelle encore un autre? Ouais, y a pas de soucis, ouais. Parfait, et après on a quelqu'un de Brest qui va t'insulter, Toff. Ah, cool. Ouais, bah tant mieux. Allez, c'est parti. Attends, peut-être que toi, tu vas encore te faire un peu insulter. Tu es enculé, toi. Allez. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais connaître le signe du zodiaque de votre femme. Le signe du zodiaque de ma femme? Oui, c'est ça. Bah, je vois pas, je sais pas. Vous savez pas ou vous voyez pas, parce que c'est pas pareil? Je sais pas. Ah, vous connaissez pas le signe? Vous voulez savoir ça? Bah, pour savoir comment elle est au lit avec vous, en fait. Bah, je sais pas du tout, Ah bon. Bon, bah, tant pis, alors. Bon, bah, une bonne soirée. Pourquoi vous voulez appeler? Bah, pour savoir, en fait, comment elle est au lit avec vous. Et donc je voulais comparer entre ce que moi j'ai comme information et ce qui se passe dans la réalité. Mais vous êtes qui exactement? Moi je suis Toff. Voilà, je m'en doutais. On vous a envoyé mon numéro, non? Je pense. On vous a envoyé votre numéro, c'est possible, mais je... Quel est votre... C'est Toff de Fun, non? Oui. Ouais, team du succès, c'est un pote qui m'a troll. Quel enculé, comment il s'appelle? Je sais pas, j'ai le choix entre plusieurs. Ah bah vas-y, donne toujours les prénoms, on sait jamais. Bah je pense que c'est peut-être Maxence. Ouais. Pierre Max, vous pouvez dire plutôt. Ou Original. Ouais. Il y a un ami sur j'hésite entre plusieurs. Après il y a aussi Gaël. Ouais, ah ouais, donc tout le monde quoi. Perrine, y a pas... ouais, j'hésite entre plusieurs personnes. Ah ouais. Mais malheureusement là on n'a pas le nom, on a que le numéro, donc on sait qu'il y en a un des quatre qui est un enculé quoi. Ok, bah merci. Bon, bah de rien, hein, bah bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Ah bah voilà, victime du succès. Hein. Bah c'est ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça arrive. T'as vu, Justine? Moi, ça décroche là. Oui, bah désolé, c'est pas ma faute. Hein. Ouais, non, bah je sais bien. C'est pas ta faute. C'est toi la coupable. Voilà. J'ai voulu bien faire. Coup de pelle. T'as mal fait, coup de pelle. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. C'est de la pelle d'amour, c'est une mais pelle oui, d'amour. Bien sûr. Bon, Justine, reste avec nous. Il y a Jonathan dans un instant qui voulait réagir par rapport à Jessica et son amour à distance. Thibaut également pour la phobie. Puis on devrait avoir également Étienne pour la phobie. Ne bougez pas de là, c'est Mickaël. No Limits sur Fun Radio. Et puis on va se faire le son de Michael Moore maintenant avec White Walls. Bienvenue tout le monde. Un message de Moms Chacha Slide qui dit: je peux avoir qu'est-ce qu'elle est bonne? Ça ne se demande pas, ça se mérite. Ah mais attends, elle a laissé ses mensurations. 1m78, 60 kg, je fais 1,95 mon pantalon est 7,38, je suis Sarah. Oui bah oui. Oui. Là, c'est amplement mérité. Bonne. Et jusqu'au bout. Hein. Ah bah oui, jusqu'au bout, ça méritait, ça c'est clair. Allez, bienvenue tout le monde, 1h05 du mat. Il y a le top tweetos aussi tout à l'heure, hein. Continuez avec vos hashtags et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Vous mettez un maximum de messages et vous serez peut-être le numéro 1, le top tweetos de la soirée. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis on va s'écouter comme promis le son de Macklemore maintenant. I wanna be free, I wanna just live. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est au cœur de la nuit sans pub là maintenant avec Geoffrey qui dit: c'est quoi le classement du top tweetos? Ah bah oui, tiens, on peut refaire un petit coup là. Du coup, on en est où là dans le classement, dans le top 5 actuellement? Sachant qu'on clôturera le top tweetos à 2h du mat évidemment, enfin une minute avant quoi. Tu veux quoi là... Le top 5, les tendances, le... Non, bah le top 5. Alors le. À 1h09, à 41 minutes de la fin là. Comment ça se passe? Alors, 51 minutes de la fin, je dis n'importe quoi. Cinquième, God Bless Holly. Yeah, number 4. Quatrième, le Prince Nadia. Ok, numéro 3. Fullness Hope. Ok, numéro 2. Let's be free. Non, ça alors, elle a perdu sa première place. Ouais. Bah, comme quoi, hein, si vous voulez choper la première place, elle est là. Hein. Ouais, enfin, il y a un tweet d'écart. D'accord. Oui. Et donc devant numéro 1, Touchman 33. Eh bah Touchman 33 et Mind Toi si tu veux garder la première place parce que tu n'as qu'un tweet d'avance sur Let's Be Freaks. Hein. Donc allez-y. Puis pour les autres, vous pouvez venir, débarquer bien sûr. Vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël tout simplement. Et puis Let's Be Freaks qui dit va te faire enculer au clochard. Comment ça? Donc t'as vu comment tu me parles Let's Be Freaks, c'est sérieux avec ça? Il est où mon va te faire enculer au clochard? Est-ce que c'est celui-là? Espèce d'enculé. Ah non, ça c'est notre ami Carolo ça. Ah pardon, attends pour moi. Attends. Elle va te faire enculer au clochard. Voilà, et Ted qui dit Mickaël en top tweet, c'est quand même bien mieux que cette salope de Miley Cyrus ou des One Direction. Oui, je passais pas Miley Cyrus ce soir, donc tout va bien. Oui, t'as raison. Tu es enculé, toi. Voilà. Bon, merci en tout cas, Ted. Julia qui dit aussi Justine et le fourni, tous les numéros du canular, c'est énorme et ça marche jamais. La pauvre. Et Sun Sun qui dit attends, c'est quoi, on est, c'est connu sur internet il y a 10 ans, relation longue distance, on vit ensemble maintenant. Des fois ça marche. Bah oui, oui, bien sûr, des fois ça peut marcher, ouais. Et Julia qui dit ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un remix de DJ Mimi. Ah si, Julia, c'était en début d'émission, ouais. Fallait être là. Ouais. Peut-être avant la fin, j'en mettrai un autre. On va voir. Et t'as Kevin qui dit beaucoup de travail en BTS. Je bosse en vous écoutant, ça m'aide à ne pas m'endormir. D'accord, bah écoute, tant mieux. Et alors Megan qui dit j'ai la phobie du sang, c'est une galère à gérer au quotidien. Bah au quotidien, ça va, tu pisses pas du sang tous les jours. Enfin, bah, si t'es infirmière ou médecin, mais ou sinon vampire. Dans l'absolu, ça va. Oui, ou vampire, ouais. T'imagines le vampire, il a la phobie du sang. Et Stéphanini qui dit ma sœur a rencontré son mec sur internet, une grosse blague leur histoire. Et Queen sur le Twitter qui dit moi j'ai pas eu mon message de bienvenue Queen. Ah bah écoute excuse-moi, tu n'avais qu'à demander un petit peu plus tôt, il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement Queen. Bon, alors, on va encore rappeler des gens dans quelques minutes. Et puis bah, le standard est blindé là, 1h11 du mat. Justine t'es là, Melvin t'es là. Attends, oui, bah forcément si je pose pas sur le bon bouton. Vous êtes là tous les deux? Ouais. Très bien. Thibaut, t'es là? Thibaut? Thibaut? Ah ben bah, Brest nous a quittés, c'est pas grave. François, Étienne, un autre Thibaut, vous êtes là? Ouais. Parfait. Là. Jessica, Jonathan? Toujours là. Parfait, tout le monde est là, c'est là. Magnifique. Bon bah c'est impeccable là, impeccable. Bon, qu'est-ce que j'allais dire maintenant? Moi, je sais plus où on était moi. Oui, on parlait des phobies maintenant, tiens. François et Étienne et Thibaut d'ailleurs aussi qui sont là. On va commencer par Thibaut, c'était le premier. Allô, allô Thibaut. Bonsoir tout le monde. Comment bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Bah tranquillement, là le standard est blindé, 1h15 du mat, on est bien, on est ouais, tranquille, bah, on est ensemble. C'est tellement les meilleurs que c'est normal. Oh c'est gentil. T'as eu un petit message de bienvenue? Non, mais j'aimerais bien en avoir un. Ah bah bien sûr, tu veux un comment? Bah, comme vous voulez. Je sais pas, moi, plutôt sympathique, plutôt mais agressif. Bah, j'aimerais bien celui avec les nains. Tu veux celui avec les nains, mais bien sûr, c'était spécial pour Toff, voilà. Votre grand-mère, elle suce des nains. Voilà. Quelqu'un en veut un autre, François, Étienne? C'est gratuit. Ouais. J'en ai un nouveau. Tu peux être gratté, gros con. Voilà. Il vient d'arriver celui-là, c'est tout neuf. Vas-y, va te faire enculer, casse-toi. Exactement, oui. Tu es enculé, toi. Sale con. T'es une grosse salope. Voilà, bon, bah ça c'était pour toi, bien évidemment. Bon, alors Thibaut, Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, et bah tu voulais nous parler des phobies. T'as quoi comme phobie, toi? En fait, j'en ai plusieurs. Donc en fait, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai eu peur des clowns. Peur des clowns? Ouais, oula. À chaque fois, je pleurais quand je vois un clown. Ensuite... Ouais. Et ensuite, bon, l'heure d'aujourd'hui, j'ai peur des pigeons, des mouettes, et j'ai aussi peur des abeilles, des... Ah ouais, t'as peur de tout, toi. Attends, mais des pigeons, t'as peur des pigeons? Et des mouettes. En fait, avec leurs yeux rouges, ils sont pas très beaux. Mais c'est des pigeons albinos, que tu connais, toi. Ils font peur. Quelle horreur. Bah, ceux qui sont à Boulogne-sur-Mer, ils font peur, quoi. Tu es en train de flipper, j'ai lu, là. Ça fait peur, ça, ou pas? Il va se pendre avec le fil de son téléphone. Ça te fait peur, ça, ou pas? Non, ça va. Ah bon, bah ça va. Donc c'est pas, t'es pas non plus complètement peureux de tout. À chaque fois, il y en a à ma fenêtre, il me regarde tout droit dans les yeux. Mais tu sais que la mouette, elle s'en bat les couilles de ta tronche, hein. Bah, je sais. Mais bon, à chaque fois que je sors, je me fais beaucoup chier dessus, des fois. Donc ils ont l'air de pas trop m'aimer. Ah oui, mais les mouettes t'aiment pas. C'est possible aussi, c'est vrai. Ouais, voilà. Non mais peut-être, hein, peut-être. Bon attends, il y a aussi Étienne qui est là de Haute-Garonne à Toulouse. Salut Étienne. Salut Mickaël. Comment va le Toulousing? Bah ça va très bien. Bon, t'as eu ton message de bienvenue toi le Toulousing? Non, pas encore. Non. Vas-y, va te faire enculer, casse-toi. Voilà. Bienvenue avec toi. Les nains tu veux aussi avec les nains? Il a du succès, oui, hein, celui avec les nains. Alors attends, il est où celui avec les nains? Il est là. Votre grand-mère elle suce des nains. C'est pas mal celui-là, pas voilà. Mal. C'était hier hein, quand on a rencontré les nouveaux amis de Toff. Très sympathique. D'ailleurs en parlant de nains, nous on a une copine qui supporte pas les nains. Ouais. Oui, exactement. Elle a la phobie. Elle en a peur. Elle a rencontré Mimi. Mimi, elle a pleuré. Quelle bouffonne alors. Oh là là, quelle bouffonne. Ça, c'est vraiment une sale bouffonne. Ouais, c'est clair. Bouffonne là. Exactement. Ouais. Une grosse salope. Bon, et donc Étienne, alors toi, c'est quoi ta phobie? Ben en fait, moi, j'ai la phobie des barres de maintien en fait dans les métros et dans les RER, surtout quand je vais à Paris en fait. Ouais. Ça me fait super peur, tu vois. Ouais. C'est un truc qu'il n'y a pas dans le métro de Toulouse, par exemple, et qu'on retrouve plus à Paris, tu vois. De quoi ? À Paris, tu vois, à Paris, ouais. quand t'es dans le RER, tu vois, ouais. J'ai vraiment peur de me tenir au bar, tu vois, je trouve que c'est sale et tout. Ah ouais, mais c'est dégueulasse, ça, par le coup, t'as raison, hein. Non, je sais pas, du genre quand t'es au hall, ça fait bizarre, quoi. Mais c'est dégueulasse, c'est clair. Attends, tout le monde est là. Il y en a qui vont pisser ou qui vont chier, qui se lavent pas les mains. Les pieds s'agrippent, etc. Non, c'est dégueulasse. Quand vous vous tenez à ça, mettez lavez-vous les mains directement. Non, mais ça c'est clair. Hein. Ah oui. Ouais, sauf qu'il n'y a pas trop de lavabo dans le métro. Non, mais tu prends les petits pots là, tu sais, les petits pots pour nettoyer les mains, antiseptiques. Tu ne prends pas assez souvent le métro parce que si tu parles des halles, t'as des trucs pour pisser et tout, tu peux te laver les mains. Oui, non, mais après, c'est pas parce que tu peux te laver les mains que tout le monde se lave les mains. Oui, bien sûr. Il y en a plein qui le font pas. Hein. J'en ai vu encore un tout à l'heure à la radio, juste quand je suis sorti des chiottes, je l'ai vu partir. Il s'est pas lavé les mains. C'est Dario. Je sais pas qui c'était, justement. J'aurais bien voulu le griller, malheureusement. Mais enfin, bon. Comment tu sais? Bah, parce que je l'ai entendu. Moi, j'étais aux chiottes aussi, donc j'ai entendu qu'il est sorti des chiottes. Il est pas passé par la case lavabo. Il est passé par la case la porte directement. Il avait peut-être de l'antiseptique. Ouais, mon cul, ouais. Bon, il y a François également qui est avec nous de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Salut François. Salut, ça va? Ça va et toi? T'as eu ton message de bienvenue? Ouais, c'est vrai. Bah, bon. Moi j'ai super peur des chauves en fait. T'as eu ton message de bienvenue ou pas? Message de bienvenue. Bah oui, message de bienvenue. Bah va te faire enculer, connard. Voilà, le message est bien. Ah, merci monsieur. Bah écoute, avec grand plaisir, hein. Nous, si on peut rendre service, hein. C'est tous les amis de Tof qui sont là tous les soirs avec nous. Bon, t'as peur de quoi toi, François? Super plaisir. Ouais. T'as peur de quoi toi François? Moi j'ai peur des chauves en fait. Des chauves? Mais t'as peur de quoi d'un chauve? Mais non, mais en fait c'est juste que j'ai super peur des mecs qui ont pas de cheveux quoi. Mais t'as peur qu'ils t'attaquent ou c'est quoi l'histoire? Non, c'est juste genre quand je crois dans la rue je suis pas à l'aise quoi. Mais attends, les chauves ou les gens qui se rasent le crâne? Parce que ça n'a rien à voir. Ah non, les chauves, genre calvitie quoi. D'accord, ok. Donc celui qui se rase le crâne, donc comme Polo, ça va. Mais c'est celui qui n'a pas... Polo ça va. Ah, Polo ça va, mais un vrai chauve qui a plus rien sur le caillou, là t'as peur. Ah, lui c'est un connard. Oh là là là là. D'ailleurs, il en a tué, hein, faut le savoir, il en a 2-3 encore dans son jardin qui pourrissent. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est sérieux là quand même. Le coup du chauve. J'ai super peur. Ah ouais. Bon. Mais genre, je me sens pas à l'aise quand je les croise, je me sens pas bien quoi. Ah ouais, d'accord. Sachant qu'en plus, il y a de plus en plus de chauves, mec, tu vas mourir. Hein. Ah oui, t'es bien. Ah non, c'est une pénurie, là. Je me sens pas bien, quoi. Tu vas finir par complètement flipper d'ici quelques années, toi. Bon, enfin bon. Merci François, Étienne et Thibault d'être passés. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Représente IUD Saint-Brieuc. Ouais. Très bien, François. Bah, le message est passé. Salut à vous. Oh là, il y a du monde. Allez, on embrasse tout le monde à Saint-Brieuc. C'est là qu'on voit que les étudiants révisent. Ah oui, ils révisent. On sent que les révisions vont être bonnes. Ils sont au taquet. Bon, salut Étienne, salut Thibault, merci à vous d'être passé. Salut à vous, bye bye. Bon, on va récupérer Jessica aussi dans quelques minutes. Avant ça, il y a Thibault avec nous là de Brest. Allô, le Breton. Ouais. Ah, il est là. Tu voulais en avoir. Il est là. Tu voulais dire un truc à Tof. Tu es enculé, toi. Ah, merci. Bah non, pas pour toi, c'était pour Tof, ça. C'est pareil. Ah d'accord, ok, bon bah très bien. Tof qui a dit qu'il n'y avait rien à faire à Brest, hein. Et il a dit hors antenne, Polo peut être mon témoin. Il a dit cette ville devait être brûlée. Exactement. Elle ne sert à rien, il faudrait la rayer de la carte. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit hors antenne. Hein. Tu es enculé, toi. Il a pris contact avec le dictateur de Corée du Nord. Exactement. Et ils veulent rayer Brest de la carte. C'est scandaleux ce que vous avez fait. C'est vraiment scandaleux, ouais. Tof. Sale con. Voilà. Bon, et donc du coup, en tant qu'habitant de Brest, Thibault, qu'est-ce que tu as à dire à Tof? Bah, il a pas tout à fait tort, c'est vrai que c'est un peu pourri, je suis pas originaire d'ici. Je suis pas de Brest à l'origine. Ah non, il est pas de Brest à l'origine. Ouais, mais là il y est. Oui, alors. Là j'y habite, ouais. Tu viens d'où? Bah, je bosse là-bas. Je viens de Rennes, c'est à côté. Ah oui, ouais, bon, bah ça va, c'est pas non plus. C'est pas comme si tu venais de Tahiti, quoi, comme l'auditeur ouais, bah, qui discutait hier soir sur Twitter ou sur Facebook, je me souviens plus, je crois que c'était Twitter, qui dit ouais, je suis tahitien, je t'écoute tous les soirs, je fais ah fort. Ouais, bah, enfin bon, là j'habite à Brest, j'ai déménagé, oh putain, la violence. Ouais, c'est sûr que je le connais. Ah bah va savoir, c'est possible. Donc toi t'aimes pas Brest non plus alors? Bah, ouais, c'est pas top, quoi. Non, c'est bah, d'accord. Oui, ok, c'est pas moi qui le dis, hein. Non, c'est vrai, mais c'est pas un vrai Brestois, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir un vrai Brestois, une Brestoise, je sais pas. Bon, ben. Ouais, j'en connais, ils aiment pas pour autant. Ils aiment pas non plus. Non, mais. Bon. C'est ça, c'est-à-dire que moi, je connais aucun mec qui habite là-bas qui m'a dit c'est génial, viens. Ah, écoute, non, c'est plutôt pas, en fait. Bon, ben, merci Thibaut d'être passé, tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais, y'a pas de toi. À bientôt Thibaut, salut à toi. Retour avec Jessica dans un instant, ciao. Jessica et Jonathan, oula, Jonathan, t'es où là? Je suis sur la route. Ah oui, ouais. Ça s'entend. Mais hein. Par contre, est-ce que tu peux conduire dans la voiture? Ouais. Tu peux te mettre un peu sur le bas-côté ou c'est pas possible? Bah, c'est pas trop possible. C'est un camtar. Ouais. Ah ouais, c'est un camtar. Ah ouais, klaxonne à coup là pour voir. Tu peux péter le camtar là. Ah, je sais pas si on entend parce que c'est isolé à l'intérieur du coup. Ah ouais, mais là c'est bien isolé. Hein, c'est isolé, mais on entend le boucan. Ouais. C'est isolé, mais pas du vent. On entend le bruit du vent, le bruit du moteur, le bruit de la route, mais on entend pas le klaxon. C'est bizarre. Comme... T'as vu un peu ? Ça c'est mon paquebot. Bon. Jonathan. Ouais. Tu voulais donner ton avis par rapport aux relations longue distance de Jessica ? Ouais, alors moi j'ai rencontré une nana sur internet en fait il y a un an et demi. Ouais. Et du coup, bah, sur un coup de tête, moi, c'est moi qui ai tout quitté. J'ai acheté un camion, puis je suis parti la chercher, puis bah, on a fait le tour de l'Europe à peu près là. Depuis un an et demi, on est en route tous les deux. En camion ? En camion. Et quoi, tu fais quand même des livraisons en même temps ? Tu fais une pierre deux coups ou tu fais vraiment que ton tour en camion ? Non, non, là, je vis dans mon camion. Bah là, elle travaille en ce moment, donc je suis sur la route tout seul, mais... Mais sinon, on est tous les deux dans notre camion à nous. Mais elle travaille dans quoi, du coup, si vous bougez tout le temps? Bah, elle a fait du ménage, là, on s'est posé. Ça fait un mois à peine qu'on est posé pour gagner un peu de thunes pour survivre dans le camion, mais... Et après, tu repars? Après, on repart, là, on va direction la République tchèque. Mais c'est non, dingue, ça. Eh, hey, putain, on y sera dans... Tu y seras pas d'ici 10 jours, là, non? Ah, non, non, je pars de mi-novembre. Ah, ouais, mi-novembre, d'accord, ok. Non, parce qu'on va à Prague avec Toff et Polo dans 10 jours, là. Ah non, bah je serais toujours dans la France. Oh merde, parce qu'on aurait pu se voir là-bas, ça aurait été bien sûr, ça aurait été rigolo de voir l'auditeur de Fun là-bas après. Avec le camtar. Avec le camion et tout, ça aurait été bien. Donc du coup, toi tu conseilles à Jessica de foncer quand même? Bah faut qu'elle se lance. Elle a qu'une vie, faut qu'elle se lance. Ouais. Non mais d'accord, mais de là à tout plaquer, t'sais, autant peut-être un peu réfléchir ou sauf si t'es sûr de pouvoir remonter après Jessica, si jamais ça va pas, t'es sûr de pouvoir revenir ou pas? Après ouais, moi, je dis toujours qu'au cas où il y a toujours quelqu'un qui me... J'ai de la famille donc il n'y a pas de soucis quoi. Bon bah écoute, à ce moment-là, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Essaye, au final, c'est vrai que t'as rien à perdre. Au pire, t'es déçu, tu remontes. Bah le truc comme enfin ce qui est plus compliqué en fait, c'est comme la plupart quoi, des gens qui veulent quitter leur région, c'est trouver du travail, trouver un appartement. Généralement, bah, les proprios qui ont des apparts, bah, ils veulent pas parce que tu as pas de travail et ah, tu oui. travailles à distance. Mais pourquoi voilà. tu vas pas comme ça déjà au moins une fois de temps en temps pour voir si la ville ça te plaît, pour voir si tu trouves quelque chose sur place? Bah, et... Justement, enfin, ce que je fais, c'est que quand je descends, bah, généralement, on va dans la ville où on veut aller. Et justement, c'est une ville que, bah, elle bouge. Voilà, chez moi, c'est vraiment paumé. S'il y a pas, ça bouge pas. S'il y a rien. Ouais, oui, bah ouais. Bah écoute, essaye, ouais, essaye d'aller. Et puis si vous êtes, tu fais quoi comme, tu voudrais faire quoi comme taf, Jessica? Bah moi j'ai fait de la vente et là j'ai mon CAP d'agent de sécurité. D'accord, agent de sécu. Bah si vous êtes sur Toulouse et que vous avez un taf à proposer à Jessica, même en période d'essai, hein, comme ça vous voyez ce qu'elle vaut, bah pourquoi pas, hein, si vous êtes sur Toulouse ou la région toulousaine. Je cherche sur Toulouse et puis Tarbes. Bah voilà, Toulouse et Tarbes, c'est ça? Ouais. Bon bah si vous êtes éventuellement à la recherche d'une agent de sécu là, Jessica qui a le CAP tout ça, eh ben n'hésitez pas, vous appelez le standard 01 42 48 5000 et puis bah si on a quelque chose on passe le message, Jessica, sans problème. Bah ouais, carrément, ça peut bon. Super. Bah bonne chance en tout cas, Jessica. Bah merci. Salut Jessica et puis Jonathan, merci à toi d'être passé. Hein. Oui, vas-y Jessica, une seule personne, tu connais la règle. Hein. Je peux en faire deux s'il te plaît, Mickaël, s'il te plaît. Bon, une et demie. Depuis le temps que je vous écoute, s'il vous plaît. Oui, bah, une et demie. Alors, je fais une grosse dédicace à mon chéri d'amour que j'aime. Ouais. Et puis, bah, à ces fameux potes qui m'écoutent, du lycée Adriana. Très bien. Bon, bah, voilà, parfait. Le message est passé, Jessica. Passe une bonne soirée. Merci. Et tiens-nous au courant. Et de toute façon, toi, sois tranquille. À Toulouse, il y a Fun aussi. Hein, donc, tu seras pas perdu. Hein, on sera toujours là. Je sais. Pas de problème. Salut Jess, à bientôt. Merci Jonathan d'être passé. Et bon courage en camion. Bonjour à madame. Ok, merci. Bon, allez, ciao. Salut, ciao. Jonathan. Et on va s'écouter les Rican, là qui seront avec nous, d'ailleurs, au Starfloor le 23 novembre sur la scène. Si vous voulez choper vos places, elles seront bientôt à gagner, bien entendu, évidemment. Hein, soyez à l'écoute de Fun Radio, bien sûr. Et puis, on va s'écouter donc Crewella maintenant sur Fun Radio. Allez hop, Live for the Night. On fera encore un petit appel avec Toff. Cool. Eh oui, puisqu'on a sorti l'horoscope sexe. Donc, en fonction de votre sexe, de votre signe, pardon, on sait un petit peu si vous êtes bon ou pas bon sexuellement parlant. Allez d'ailleurs sur le Facebook, à continuer à aller sur la photo, il y a la liste avec tous les signes sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Crewella, c'est maintenant sur Fun, c'est Live for the Night. MIKL, attendez la suite. MIKL, no limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment avec tous vos messages qui arrivent comme d'habitude. Hein. Balancez tous vos messages sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. J'ai mis une petite nouvelle photo de profil, hein, donc allez voir, dites-moi si je garde celle-là ou si je la vire. Facebook.com/MIKL officiel, je l'ai mise également sur le Twitter de l'émission. Twitter, vous tapez MIKL_officiel, venez me faire un follow et si vous me faites un follow, je vous followerai également. Pareil sur Instagram, bien entendu, en tapant MIKL officiel. Il y a Julia qui dit courage, ici qui a fait le bon choix. Lilou qui dit et les hippies Bunny, les sextoys, on les a quand Mickaël? Bah je sais pas, toi, on les envoie quand Bunny, on peut les envoyer, ils sont vas-y, attends, l'autre il veut les garder pour se les mettre dans le fion. Non mais attends, c'est vrai tout ça pour les garder pour lui, c'est un truc les de fou. Tests 1 à 1. Bah oui, c'est ça. Tout ça chacun pour les garder. Passera dans son cul. Tout ça pour les garder, ouais, ils seront testés hein. Évidemment, évidemment, c'est pour être sûr du matériel. Bah je vais pas offrir n'importe quoi. Bah voilà, voilà, voilà. Stéphanie qui dit je vous rappelle que je viens avec vous à Prague hein. Ah bon, vous souvenez plus. Pardon, tu l'as invité J'ai invité qui? Stéphanini. Qu'elle vienne. C'est ça. Ouais. Qu'elle vienne, on en reparlera. Ouais, ouais, ouais, c'est ça aussi. Gastafi qui dit moi j'ai peur des esprits. Il y a Poupette qui dit ça arrive souvent aux gosses d'avoir peur des clowns. Mais les pigeons, c'est quand même assez bizarre. À mon avis, il a la poisse, surtout le pauvre. Et moi j'ai peur de Toff. Oui, ça ce n'est pas étonnant en revanche. J'ai eu peur de Chucky, moi c'est Stéphanini. Il y a Moms Chacha Slide qui dit big up à Touf. À Touf. Il y a Angie qui dit aussi de gros bisous à toute l'équipe et Nanou qui dit excès de rire avec les appels de Toff. Bah ça tombe bien, on va refaire un petit là maintenant. Tiens, petit appel encore une fois. Puisque Justine nous a envoyé dans le placard hein, tous les numéros qu'elle nous a donnés, c'était que de la merde. Non mais c'est Touf. Que de la merde, Justine. Bon. Non. Si. Non, on a fait connaissance avec son daron. Ouais, c'est vrai qu'on a fait connaissance avec papa. Ouais. Et c'est un Touf. Et c'est... Oui. Bon allez on appelle Toff, t'es prêt? Bah je suis prêt moi. Bon c'est parti, on y va. Donc toujours pour cet horoscope hein, puisqu'on cherche à savoir quel est l'horoscope de la femme ou de la copine du monsieur qu'on appelle. Voilà, et de savoir si ça correspond à ce que tu as mis sur le site. Enfin, exactement, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Allez c'est parti. Oula ça gueule, c'est parti. Bah alors. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir le signe du zodiaque de votre femme. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. Au revoir. Bah, attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Bah, je vous répondrai pas de toute façon. Bah, allez. Pourquoi monsieur? Parce que je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes. Bah, je suis Toff monsieur. Voilà, maintenant vous pouvez me répondre. Non. Bah, si. Allez. Je sais pas qui c'est Toff. Bah, ciao. C'est moi. Oh, je sais pas qui c'est Toff. Je sais pas. Bon, on rappelle. Bah, oui. Allez, on y retourne. Bon alors. Allô. Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché un peu vite, vous avez oublié de répondre à la question. Ciao. Et ça le fait rire, il est content. Hein. Voilà, il est content. Bah, s'il est content, on le rappelle. Bah oui. Allez. Puisqu'il est content, profitons-en. Oui, allô. Excusez-moi, mais je sais pas ce qui se passe, mais chaque fois vous raccrochez avant de répondre à la question. Ouais. Je sais pas, chercher à comprendre. Bah c'est ce que je fais, et c'est pour ça que je vous rappelle. Ah bah alors. Bah alors, cherchez encore. Vous me rappelez? Bah oui, d'accord, à tout de suite. on le rappelle. Bah du coup, oui, puisqu'il invite, il invite à rappeler, donc. Allez, on y retourne. Oui, allô. Oui. Non, mais j'ai toujours pas compris. Ah bah, réfléchissez encore. D'accord, je vous rappelle. Ouais, vous raccrochez. D'accord, à tout de suite. Ciao. Non mais il est sérieux là, on va rappeler toute la nuit ou... Ah vas-y. Bon, encore allez, un petit dernier. Justine, t'es encore là, on rappelle encore un petit coup. Bon allez, un petit coup. Bon allez, un petit dernier là, et hop, c'est reparti. Et je vous mettrai peut-être un bon qu'on a eu hier aussi là, celui qui nous a fait marrer. Parce qu'on a eu du lourd hein, hier soir. Oh là là. Ouais. Oui, j'ai toujours pas compris. Hein. Bah, il faut pas. J'ai l'impression que vous comprenez pas grand-chose. Bah, oui, parce que vous vous expliquez mal, monsieur. Ouais, je sais. Ah bon, ça va alors si vous avez. Il faut essayer de comprendre. D'accord. Bah, je vais essayer. Au pire, je vous rappelle. Ah, dans le pire des cas. Hein. D'accord. Ou demain matin ou. Ou demain. Dans un an. Demain, je vous rappelle. Ça marche. Ciao. D'accord. À demain. Demain. Bon bah il faut garder son numéro, on va le rappeler demain. Hein. Bah je le rappelle demain. Ah bah du coup on n'a pas le choix, effectivement on est obligé de le rappeler. On est obligé de le rappeler. Bon, est-ce que tu veux qu'on en remette un petit Justine là pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier soir? Un petit quoi? Bah un petit appel quand Toff il demandait si les mecs ils étaient d'accord de. Enfin, il disait que les meufs qui couchaient avec des chaussettes kiffaient plus que celles qui couchaient pas avec des chaussettes. Ah ouais, ouais, bon, ouais. Attends, on avait fait celui-là, je sais pas si tu l'avais entendu. Là, pour ceux qui viennent de débarquer et qui n'étaient pas là hier, donc c'était l'appel d'hier. Mais qu'est-ce qu'on s'était pissé dessus? Alors écoutez. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous gardiez vos chaussettes pour faire l'amour. Et ta mère la pute, est-ce que j'y allais tous les soirs, sale bâtard? Excusez-moi. Elle m'a pas enculé, sale pédé. Bon, on l'avait donc évidemment rappelé, puisque on était tellement bien accueillis que... Voilà, c'est pour ceux qui n'étaient pas là hier. Alors, c'est oui, bon. Excusez-moi, mais pourquoi autant de violence? Mais c'est qui? Bah, moi, c'est Toff. Toff. Bah, Toff, oui, c'est moi. Mais, enfin, ouais. Je vous appelais pour vous poser une question gentiment, c'est pas la peine d'être aussi désagréable. Non, franchement, je connais pas de Toff. Ah mais, on se connaît pas, hein, madame, j'ai jamais dit qu'on se connaissait. Bah ouais, mais pourquoi vous m'appelez si on se connaît pas? Pour savoir si vous gardez vos chaussettes pour faire l'amour. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? On se connaît pas, ça va te faire quoi si je te dis je garde mes chaussettes ou pas? Qu'est-ce qu'on a à cirer? Bah en fait c'est pour savoir, parce qu'il paraît que les femmes qui gardent leurs chaussettes ont plus d'orgasmes que celles qui les enlèvent. Mais putain, mais t'as que ça à foutre d'appeler les gens comme ça, franchement, je sais pas, sors ou va te trouver une gonzesse, mais arrête d'appeler les gens pour des conneries quoi. Mais c'est pas une connerie, c'est une étude très sérieuse faite par des Hollandais. Mais oui, bien sûr, allez, c'est bon, arrête de dire de la merde, hein, franchement, t'as vu à quelle heure que t'appelles en plus chez les gens? Ça te dérange pas d'emmerder les gens à cette heure-là? Bah non, ça me dérange pas, moi je veux juste savoir si vous prenez plus de plaisir avec ou sans vos chaussettes. C'est quoi, franchement, tu me saoules, est-ce que je te demande si tu te laves la bite avant de te faire sucer? Non mais franchement, quoi, allô? Mais moi je me lave pas la bite avant de me faire sucer, mais ça n'a pas de rapport. Bah voilà, bah moi je te pose la question là, du coup, donc tu me réponds ou tu me réponds pas, j'en ai rien à foutre. Bah, je viens de répondre. Mais tes questions à la con, tu les gardes pour toi, d'accord? Bah moi je viens de vous répondre, vous pourriez me répondre. Ouais mais je vais pas te répondre, je te connais pas. Bah, moi non plus je vous connais pas, mais je vous ai répondu. Mais déjà comment t'as monté mon numéro de téléphone déjà? Un truc magique, ça s'appelle l'annuaire. Déjà je suis pas sur l'annuaire, donc si. C'est bizarre. Toutou, youtou, 118 de 118. La solitude. Et comment je m'appelle alors du coup? Vas-y donne-moi mon prénom et mon nom s'il te plaît. Bah Aigreur. Hein? C'est la relou, Josiane la relou. Bah tu vois, mais arrête de dire de la merde putain. Est-ce que mais... c'est madame Aigreur? Oui, bien sûr, ouais. Et toi, t'es quoi? Trou du cul mal centré? Ou tu pues la merde? Ou je pue la merde, c'est monsieur la merde. Ah, monsieur la merde, bah tu voilà. Sais quoi? Je t'écrase bien, mais bien profond. Et je te balance bien au fond de mes chiottes et je tire la chasse, d'accord? Mais est-ce allez, que c'est salut. De l'eau de pluie, rassurez-moi. Allô? Et donc après c'était vraiment de l'eau de pluie, on va pas remettre le dernier appel évidemment, mais voilà, tout ça pour dire que effectivement les gens sont cordiales la nuit hein. Ouais. Oh, oui, trop ils sympa. Ils sont au taquet. Bon, on va prendre il y a François avec nous là de Brest, encore un mec de Brest. Salut François. Salut. Comment ça va? Bah ça va bien toi? Bon oui, ça va tranquillement. Bienvenue à toi, 1h36 du mat. Bienvenue dans Mickaël de Limite sur Fun Radio. Bon, alors du coup tu voulais réagir à ce que Toff avait dit en disant que à Brest, il y avait rien à faire, que c'était moche et qu'il faisait gris tout le temps. Bah ouais, je suis complètement pas d'accord. T'as payé d'un tuyau ou t'as pas de meubles chez toi? Non, ils ont pas comment le téléphone non plus. Ah, d'accord. Arrête ton cinéma. Voilà. Bon, du coup, pourquoi t'es pas d'accord? Bah, je suis pas d'accord parce que Brest, en fait, c'est une ville où il y a vraiment moyen de faire la fête. Et en fait, je propose à Toff de venir à Brest parce que on a vraiment les plus belles filles de France. Et je lui propose de lui faire présenter quelques-unes de mes copines pour qu'ils puissent en fait explorer le vraiment. Ah, il va explorer, mais peut-être pas la ville. Hein. Ok, moi je viens. Non, il connaît pas la ville. Je propose de lui faire connaître la ville et de lui faire connaître en fait les vraies filles qui existent à Brest. Okay. Et vraiment, il sera vraiment pas du tout du voyage. Ben, je viens. Oui, c'est bah, ça. Tu viens? Ouais, je viens. Vas-y. Parce que vas-y. Pour l'instant, on a vu beaucoup de villes, hein, en France, en Belgique. Vous avez vu beaucoup de villes, mais je pense pas qu'à Brest, vous avez vraiment exploré le fond. Non, mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais par exemple, au niveau des filles, puisque t'en parles, pour nous, jusqu'à preuve du contraire, les plus belles sont à Nancy. Ouais, Nancy, ouais. Nancy, c'est pas mal. À Nancy? Ouais. À Nancy. Bah, ce que je propose, c'est que Toff vienne à Brest. Mais je vais venir. Je vais faire rencontrer quelques copines et je pense qu'il changera vite. Ouais, mais attends, parce que t'es un peu un enculé parce que tu leur as pas demandé leur avis alors que tes copines. Bah, en même temps, mes copines, je pense que Toff, c'est vraiment. Vraiment, je pense qu'il est vraiment bien beau gosse. Et je mais pense grave. Qu'il n'y a aucun problème. François, je suis le beau gosse. Putain, mais attends, mais tes copines, c'est quoi copines, ils me confondent. En fait, ils confondent Toff et moi. Quand ils disent beau gosse, en fait, ils parlent de Polo. Mais t'as raison. T'es enculé, toi. Avec plaisir. Non, mais tu l'as vu déjà sur Internet, sur le Facebook, sur quelque chose? Ouais, mais en fait, Mickaël et Toff, je vous suis en fait depuis que je suis en 6e, depuis en fait où vous étiez sur la chaîne concurrente. Ouais. Je vous suis depuis. Donc tu vois bien à quoi ressemble Toff. Comment? Donc tu vois bien à quoi ressemble Toff. Donc tu ne modifies pas ce que tu as dit, hein? C'est le mec sans menton. Oui, ils ont l'air d'un de la même chose. C'est ça. Mais je recommence à en prendre un peu là de menton. Hein. Ah bon? Ouais, un petit peu. Ouais, parce que t'as laissé pousser la barbe, c'est pour ça, c'est un leurre. En fait, Toff et moi, on a notre problème, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre notre cou et notre menton, mais c'est pas un problème. Ça peut être bénéfique. Évidemment. Ah, ça, alors, faut que tu m'expliques pourquoi, hein, parce qu'on dirait Lambic dans Bob et Bobette. Pour ceux qui ont lu, hein, des fois c'est... Moi je connais, j'adore. Ouais, c'est ça. Je propose à l'équipe de venir à Brest et je vous ferai explorer ce que c'est vraiment la ville de Brest et vraiment, on a vraiment les plus belles filles et de... On a bientôt Toff arrive. Mais vous avez remarqué qu'il nous a parlé des filles, ouais. Mais toujours pas de ce qu'il y a à y faire. Hein. Ce qu'il y a à y faire. En fait, nous, on est la ville la plus à l'ouest. Donc, je veux dire, c'est génial. Wow. N'importe quoi. Ça veut dire deux choses, hein, la ville la plus à l'ouest. Hein. Ouais, c'est génial. Ça me donne envie de venir. Ouais. La plus à l'ouest, on est la ville la plus à l'ouest. On est la ville la plus rouge. Il y a toutes les filles qu'il vous faut, il n'y a pas de souci. Moi, je peux vous arranger n'importe quoi. Les meilleurs lampadaires sont à Brest. Non, oui, c'est vrai. Non, mais la Bretagne. C'est les plus jolis paysages et les plus jolies filles qui existent sur Terre. Oui, on va t'emballer pas. Ne t'emballe pas parce que je sais pas où t'as déjà été, mais tu t'es un peu emballé à mon avis. Hein, Non. Ah si. Je pense que l'équipe de Fun Radio devait venir à Brest pour qu'on fasse. Mais on ira voir à Nancy pour voir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus été. Si ça a changé, et puis après, et puis après, laisse-moi parler. Voilà. Donc je disais, nous allons d'abord aller voir à Nancy ce qui se passe, et après on viendra à Brest si on comprend. À Nancy, c'est paumé, à Brest, on a les plus jolies filles. On va d'abord aller voir à Nancy ce qui se passe, et après on viendra à Brest. À Nancy, en fait, de vous à moi, c'est du temps perdu, il faut venir à Brest, directement. On va y aller, je connais les promesses, on va y aller, non, vous venez directement à Brest, et puis après vous allez Nancy. Attends, tu vas nous faire un emploi du temps François, Toff, il cherchait une secrétaire, donc si tu veux éventuellement gérer son agenda. Voilà, avec plaisir. N'hésite pas, tiens, il y a Megumi qui dit, l'autre il nous a vendu Brest comme si c'était Hollywood. Et Kawet qui dit un petit message de bienvenue pour mon chéri, please. Bah évidemment, avec plaisir. Sale con. Voilà. Il y a Poupette qui dit... Bon, il y a Poupette qui dit dommage que j'ai raté ça hier, là, vraiment des barres. Ah bah oui, Poupette, fallait pas rater l'émission d'hier. Et il y a Mike qui dit, moi j'ai la phobie des montres religieuses, mais abusées, même morte, j'ai toujours peur de ces bestioles, c'est abusé également. Et puis Megumi Eto qui dit Polo à 12 ans. Non mais c'est quand même exceptionnel ça, François, t'es relou là. Polo à 12 ans en fait, tu dis... Polo à 12 ans en fait, tu dis Toff, il est mort de rire. Oui, ça lui arrive assez régulièrement, ouais. Et j'ai dire qu'il dit mort de rire à la ville la plus à l'ouest, c'est clair. Et alors Prince Eda qui dit les plus beaux trottoirs sont à Brest aussi. On peut voir ça comme ça, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Les plus beaux trottoirs. Non. On a les plus jolies filles, mais pas les plus beaux trottoirs. Ouais, mais par contre, tu m'as toujours rien vendu sur la ville. Hein. Bah déjà pas le trottoir. D'accord. Je te propose une petite visite de Brest avec en premier lieu la visite du château de Brest, puis enfin la visite. Il y a un château à Brest. Oui, un château à Brest, parce qu'en fait, je vous explique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Brest a été rasée par les ennemis, du coup. Sauf le château de Brest, parce que en fait, la ville de Brest était vachement belle avant la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'elle a été rasée pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, elle a été reconstruite à la va-vite, sauf le château de Brest, qui était un monument historique de la ville du pays de la France. La Bretagne, en fait, on a plein de spécificités locales comme la crêpe, le Queen Amen, le kick-a-part. On peut vous faire déguster des spécialités gustatives qui sont claires comme aux vieux, comme aux petits. Sur Fun Radio. Allez, bienvenue sur Fun Radio. Plein de messages. Il y a Clem qui dit on s'en fout de Brest, Mickaël. Il y a le Prince qui dit il fait partie de l'office de tourisme de Brest, c'est pas possible. Il y a Lilou qui dit non, si c'est pas perdu, sale con, il va m'énerver lui. Il y a Julie aussi qui dit rentrer du bowling avec Mickaël, j'adore. Mais nous aussi, on t'adore, Julie. Une grosse salope. Oh, pardon, c'est pas celui-là que je voulais envoyer. Désolé Julie. Stéphie aussi qui dit il n'y a rien à Brest à part un Lidl. Et Thibaut qui dit Mickaël sur Fun Radio, la première radio qui mélange la musique, la géographie et l'histoire, mort du rire, il va tuer le gars. Oui c'est ça, nous sommes une émission culturelle. Exact. Enfin surtout cul. Ouais, avec beaucoup de cul et bah avec un peu le tueur quoi. Et un peu de truelle. Voilà. Il y a Olivier qui dit oh putain mais quel casse-couille sur avec sa ville de Brest. Et il y a quoi aussi comme message, Lusitano qui dit laisse cette photo, elle est classe. Il y a Lilou aussi qui dit meurs de rire, viens les tester avec moi, Toff. Et alors Koala qui dit aussi Montpellier, ville du sud, soleil, alcool, sexe, drogue, plage, fille, chicha, fête, il y a tout dans le 34, c'est tout. C'est vrai qu'on a été à Montpellier au mois de mai et plutôt pas mal hein. Non moi j'ai bien aimé. Ah ouais, ouais, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Il y a Lilou qui dit le prochain qui rabaisse les lorrains, je l'encule. Oh bah. Tu es enculé, toi. Ah d'accord, ok Lilou, hein, si tu veux, nous, on dira plus rien, pas de problème. Hein. Vous êtes pas gentil avec Sandro, vous méritez tous un coup de pelle. Je n'ai pas lu ton message. Et Jean-Philippe qui dit garde ta photo sur Facebook, elle est cool. Alex qui dit c'est trop demandé un coup de pelle. Bon allez. Ou un coup de bite à la rigueur. Oh non, attends, c'est quoi? Ou une bite sur le front à la rigueur. Ah, je me suis trompé, dis donc, un coup de bite, c'était pas pareil. Une bite sur le front, en revanche, ça, il n'y a pas de problème. Je peux te la mettre. Ouais, et ma bite sur ton front. Voilà, c'est ça. Et puis The Story 33 qui dit top la photo de profil. Anaïs qui dit un message de bienvenue pour ma soeur et pour moi, s'il te plaît. Bien sûr, Anaïs, on va te mettre celui-là. Allez vous faire foot. Foot, hein, attention, il n'y a pas de R, hein, que ce soit clair. Et Jessica qui dit si vous avez des propositions d'emploi sur Tarbes, MP-moi, message privé. Bon, ben voilà, donc Tarbes ou si vous avez envie d'engager, hein, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Oh, c'est con de numéro de la Belgique alors qu'on est sur Tarbes. Enfin bon. Oui, Jésus. Oui, Justine. J'ai un dernier numéro à te donner. Et ouais, normalement, Encore un numéro en bois là, non? Non. C'est la grand-mère d'un pote et c'est ce pote qui m'a dit qu'elle dormait. La grand-mère pas. À 1h48. T'es ouais, sérieuse là? T'as pas de respect ou quoi? Non, mais attends, la pauvre. Ouais. Oui, mais... c'est l'hôpital qui se fout de la charité, dis donc. Quel connard alors celui-là. Hein. Non, mais... elle est marrante. Ah oui, mais enfin, ce soir-ci, je suis pas sûr qu'elle soit drôle. Ah, on fera ça demain. Ouais, tu veux pas qu'on l'appelle plutôt demain vers 23h, c'est en début d'émission? Ouais, comme vous non, voulez. Non, parce que ouais. Ça me fait quand même de la peine. Ouais. On est peut-être des sales cons, mais quand même, on va pas déranger une grand-mère à 2h du mat, quoi. Non, parce qu'elle est insomniaque. Mais elle est insomniaque, ouais. Mais bon, non, mais en plus, elle va flipper, le téléphone sonne en pleine nuit, ça peut faire peur. Je préfère appeler demain soir, j'ai pas envie d'avoir un problème sur ma conscience. Non, mais c'est vrai, attends, tu sais pas. Ouais. Ouais. Mais grand-mère, elle a quel âge? Je sais pas quel âge elle a, elle a 70 ans. Oh non, non, on verra demain. Elle peut être grand-mère à 50, je l'aurais appelé, tu vois, mais là, non. Un AVC, c'est tellement vite arrivé. On l'appellera, mais t'es con, toi, ou quoi, Toff? Mais quel connard, alors celui-là, on voit qu'il arrive, oh là là. Bon, ben Justine, non, mais t'inquiète pas, on va quand même te garder, et puis on verra demain, ok? Ok, ça marche. Bon, parfait. Et il y a, ben Melvin avec nous, là. Melvin, comment ça va de Saint-Ouen, là? Bah, ça va un peu. Ça va un peu? Comment ça va un peu? Bah, j'ai perdu une meuf. T'as perdu une meuf. Mais ça tombe bien parce qu'on avait 5 hier, donc résultat il en reste plus que 4. Ouais. Bon bah voyons le côté positif. Ça nous fera moins de travail. Mais en même temps elle nous écoute à la radio hier, je me suis fait gifler en arrivant au collège. Bon alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc Melvin donc il a 14 ans et il avait 5 meufs hier. Et donc en fait, il savait pas, il était dans la merde, il voulait choisir. Donc du coup, t'es retourné au bahut aujourd'hui. Donc il y en a une qui écoutait la radio, elle t'a mis une patate. Ouais. Et elle a bien raison. Bon, du coup, il en reste 4. Ouais. Bon, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On appelle les 4 autres? Bah, je suis pas sûr qu'elle réponde, mais si vous voulez, on peut essayer. Bah ouais, à la limite. Écoute, ce qu'on peut faire, ce qui serait pas mal, ça va être compliqué à mettre en place parce que le répondeur sera pas la même taille pour les autres, c'est qu'on appelle les 4 en même temps, tu laisses le même message à toutes et tu vois celle qui raccroche, celle qui rappelle, pardon. Allô? On est là, t'inquiète pas. Hein. Je crois qu'on est perdu. Après, on s'en va, mais. Ouais, après, c'est fini. Ouais. Mais bon, écoute, Melvin, concrètement, tu veux garder laquelle? Mathilde. Bon, déjà, laquelle, laquelle tu t'as perdu là aujourd'hui? Bah, Mathilde. C'est un champion, lui. Mec, c'était sûr. Mais non, tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'elle écoute. Non, mais c'est surtout parce que tu sais qu'elle t'a viré et que, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on n'a pas. Ah, là. Ouais. Bah, ouais. Bon, et les autres, elles s'appellent comment? Mathilde, Enora, Marine, Vanessa et Laura. Ah ouais, d'accord. Et toi, tu veux garder Mathilde, quoi. C'est le prénom le plus vieillot et tu veux garder ça? Ouais. Oh, j'ai rien contre Mathilde, hein. C'est juste que par rapport aux autres, c'est le prénom qui sonne le plus vieux. Bon, et quoi, elle est vraiment bien? Ouais. Bon, de toute façon, tu l'auras plus maintenant, hein. C'est pas la peine de rêver, hein. Non, mais c'est clair, hein. Et puis t'as bien raison, Mathilde, d'ailleurs, d'avoir jeté, quoi. Oui, exactement. Ça, d'ailleurs, j'ai un message pour toi de Mathilde. Tu peux être gratté, gros con. Voilà. C'est fini maintenant, hein. C'est terminé. Vas-y, va te faire enculer, casse-toi. Voilà. Ouais. C'est ce qu'elle t'a dit ce matin ou pas? Bah, un peu, ouais. Bon, bah écoute. Mais ça semble logique, hein. Oui, ce qui semble relativement logique, a priori. Justine. Oui. Imagine, tu tombes sur un mec, tu te rends compte que ce mec, en fait, il a 5 meufs, enfin 4 autres. Tu l'entends à la radio, tu lui dis quoi? Je le défonce. Tu le défonces, voilà. Et tu ne retournes pas avec lui? Non, sûrement pas, non. Certainement pas. C'est bizarre, moi je retournerai avec. Voilà, Melvin, écoute, ce qui paraît peut-être plus intelligent, Melvin, plutôt que d'appeler les 4 autres, tu vas leur dire demain que c'est fini, que t'as plus envie, puisque tu viens de nous le dire au final, mais ce serait plus intelligent qu'on appelle Mathilde pour essayer d'arranger le bordel. Ouais, ouais. Bah ouais. Bon, alors donne le numéro de téléphone à Sandro, d'accord? Ouais, ouais. Mais que ça fait 3 heures tellement standard, t'as pas encore donné le numéro des filles. Bon, Melvin, je te l'ai envoyé. On a Jérémy aussi avec nous de 3 là. Salut Jérémy. Ouais, salut. Comment ça va? Ouais, et toi? Bon, écoute, tranquille, tiens, il y a Beach qui dit, je peux avoir un message de bienvenue, vous êtes super. Beach, c'est pas la première fois que tu en demandes un, je crois que t'en as déjà eu un de message de bienvenue. Ouais, ouais, ouais. Les prochains vont être taxés, Beach, hein, attention. Ouais, bon, je vais bien t'en mettre un, mais... C'est la crise. Une grosse salope. Et en plus, je m'en souviens parce que je t'avais déjà mis celui-là parce que tu t'appelais Beach. Ouais. Alors attention, j'ai l'œil. Megumi qui dit, faut se mobiliser pour qu'on ait cette photo directe, je la mets en poster dans ma chambre. Quelle photo? La tienne. La mienne? Ouais. Oh, c'est beau, Megumi, c'est vrai. Peut-être que je la vendrai, un de ces 4. Noël qui dit, oh, top la photo de profil, la classe à Dallas. Oh putain, Noël. Et Brice qui dit, t'as un profil de radio, continue comme ça, c'est trop fort. Merci, Brice, enculé. Va. Et Queen qui dit, nickel, je peux avoir un message de bienvenue, je t'ai déjà passé, Queen, tout à l'heure. Et Prince Nadia qui dit, ta photo est juste parfaite. Merci, le Prince Nadia. Et encore un autre message, petit message de bienvenue pour moi, s'il te plaît. Un bon truc crado, je vous suis tous les soirs et j'en ai marre, vous m'empêchez de dormir. Je vous adore. Ah, tu veux un truc crado? Alors attends, con, c'est ça que tu veux? Alors je peux te mettre celui-là. Et moi je vais baiser ta mère, non? Voilà, celui-là il est pas mal. Celui-là sinon aussi. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Ouais, celui-là, on va garder sur celui-là, ça me paraît pas mal, hein. Ouais non, ça me paraît le plus dégueulasse, effectivement. Bon, Jérém, qu'est-ce qui t'amène? Bah en fait, j'ai un délit de fuite. Comment ça, tu as un délit de fuite? Tu l'as acheté? Non, j'ai un délit de fuite. On te connaît un délit de fuite samedi soir. Mais t'as fait quoi? En fait, j'étais en moto. Ouais. Et je me promenais tranquille à 90 km/h au lieu de 50. Ah ouais, tranquille. C'est pas comme si c'était quasiment le double. Ouais, quoi. Normal. Et non. En fait, je vois une bande blanche en face de moi, vite teintée et tout. Ouais. Je les crame. Et j'arrive au feu rouge, il baisse la vitre, c'est la BAC. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je me barre. Après ils ont appelé deux voitures de flics. Ils me tracent. Et enfin je redouble. Et puis voilà quoi. Puis, nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Balance. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Allô gendarmerie. Oui, bonjour, c'est Fun Radio. Oui, ouais. On va vous balancer quelqu'un parce qu'en fait, il a grillé un feu rouge et puis il a fallu tuer des gens. Comment ça? Et ben, il a tracé la BAC. Je vous le passe, hein. Allô? Ouais. À qui est l'honneur? Bah, c'est moi. C'est vous, c'est qui? T'as flippé, là. Allô? À qui est l'honneur? Ouais. À qui est l'honneur? Présentez-vous. Ah, Jérémy. Jérémy, comment? Ah, ça, je sais pas le dire. Comment ça, vous êtes à la gendarmerie, monsieur, là, pourquoi vous nous appelez? Ah, bah, j'appelle pas. Comment ça, vous êtes au téléphone avec moi, non? Bah oui. Mon téléphone a sonné, donc ça veut dire que vous avez appelé. Bah non. Vous me prenez pour un idiot? Oui. Ah, vous me prenez pour un idiot, vous savez que je peux remonter jusque chez vous, hein? Ah bon? Ah oui. Quelle adresse? Je sais que vous êtes à 3, a priori. Ah oui, d'accord, mais quelle adresse, c'est très grand. Attendez, je vais... Oui, vous inquiétez pas. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? En quoi je peux vous aider? Bah, je sais pas, je suis encore recherché ou pas. Mais recherché pour quoi? Délit de fuite. Vous avez fait un délit de fuite? Ouais. Quand ça? Sainte-Savine. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, j'ai grillé une Ford blanche. Oui, mais il y a beaucoup des Fordes blanches, hein, vous savez. Ah oui, mais bon, une Ford blanche avec deux clandestins dessus, enfin dedans, qui roule à 50, enfin non, même pas, allez. C'est derrière 45, on va dire. Qui avance pas, et enfin voilà quoi. Et vous vous rendez compte que vous êtes idiot? Ah bon? Vous en rendez compte ou pas? Non, mais je sais, c'est toi, Mickaël. Ah, mais il était temps! Non mais je joue dans le jeu, tu vois. Ouais, tu joues dans le jeu, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Par contre, tu joues pas dans le jeu du permis de conduire, hein, parce que 50, c'est 50, hein. Ouais, bah non, bah... Bah si, voilà. T'es con, mec. Non mais sérieux, Jérémy, t'es idiot, quoi, là. C'est FNC, donc c'est une exception, nous, on... Voilà, et puis tous ceux qui écoutent, qui sont motards, ils comprennent. Mais la non, route, mais c'est à mais, nous, mais la route, arrête ton cinéma, Jérém. C'est marqué 50, roule à 50, t'es complètement con, Jérém. Ouais, mais bon. Et en plus, voilà, tu fais un délit de fuite. Non mais Jérém, sérieusement, là, je vais te parler. On va pas déconner, mais non, mais c'est vrai, vraiment. J'espère que t'es. Enfin, si, t'as l'air fier, c'est ça le pire. C'est que tu dois quand même pas être fier, t'es complètement idiot, Jérém. Je m'excuse, mais fais pas un délit de fuite, t'arrêtes et tu demandes pardon. Tu dis, j'ai fait une connerie, voilà, je le referai plus. Plutôt que de faire ton délit de fuite et de venir te pavaner l'antenne, Jérém. Mais voilà rien du tout. Et en plus après dire on s'en fout, on fait ce qu'on veut, la route est à nous. Mais non mec, la route n'est pas à toi. Bah, d'ailleurs je vais passer un coup de gueule. Peut-être que je vais en avoir plein qui vont m'incendier, hein. Mais j'emmerde les motards à Paris qui passent entre les voitures et qui après accélèrent encore au dessus de klaxon parce qu'ils prennent une bande au milieu alors que déjà on leur prête. Parce que normalement ils ont rien à foutre là, tu vois, à la base, hein. Donc tu vois qui après il faut que les voitures fassent attention et pas déboîter n'importe comment. Ça je dis pas d'accord. Oui, 30 mètres, mais comment t'expliques que parfois quand t'es sur autoroute, tu fais 14 km, le mec il est au milieu. Ouais. Oui, autoroute, je veux bien. Voilà. Mais genre le périph' et tout. Mais de toute façon, viens pas faire ton cinéma d'avocat pendant 30 mètres en adouin alors que le mec il est à 90 ou 50. Hein. Oui, non, mais oui, d'accord. Oui. Bon, bah demande pardon avant que j'appelle vraiment la police. On te balance, on a rien à foutre. Voilà, c'est ça. Nous tu sais, s'il y a une prime, comme aux États-Unis avec un wanted. On est des chasseurs de primes d'auditeurs. Exactement, on est chasseurs de primes. Exactement. Non, mais je suis pas fier, mais c'est juste que. Voilà, on m'a dit de foutre le bordel sur l'antenne. Mais non, mais c'est pas ça. Comment ça? Qui t'a dit de foutre le bordel sur l'antenne? On s'en branle, Jérém. Le principe, c'est que tu vas nous dire que t'es en délit de fidio. Surtout parce que t'as fait quoi. Tout ce que tu mérites, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Ouais, non, mais je sais, mais bon, voilà, en fait, j'ai voulu juste dire ça à l'antenne pour demander aux auditeurs. Tu le referas voir, plus. Enfin, ce que je pourrais faire. Tu le referas plus. Écoute, là, à mon avis, là, c'est mort. Non mais là fais rien, voilà, c'est ça, bon, c'est... ça sert à rien, tu vas pas être 30 parce que t'as fait un excès de vitesse, c'est bon, voilà. Mais pour le même prix, ça aurait pu être plus dangereux, quoi. C'est-à-dire que si les mecs avaient commencé à te courser et que toi tu fais une connerie et tu te casses la gueule. En pleine nuit, y'avait personne. Mais alors, on s'en fout, il y a une voiture qui peut débouler à gauche ou à droite, peu importe, où t'es tellement concentré sur le fait de les semer que tu regardes derrière et finalement tu te prends un mur, une voiture, n'importe quoi. Enfin, réfléchis. Non, j'étais au feu rouge quand j'ai vu que c'était eux. Et alors, donc ils t'ont pas arrêté? Non, ils m'ont pas arrêté, enfin... Donc quand t'as fait le délit de fuite, t'as cramé le feu? Ils ont baissé la vitre, ils ont fait, bah c'est une belle machine, monsieur, après ils ont rien fait. Ils m'ont laissé partir. Donc t'es pas en délit de fuite, alors? Genre, 5 minutes après, j'avais deux bagnoles de flics derrière moi. De toute façon, s'ils ont ta plaque, t'inquiète pas. Ils vont te trouver. Dans 3-4 jours, ils viendront sonner chez toi. Et oui. Puis, Ah, vous voyez la moto là? Oui, ah, bah, sûr, c'est à nous maintenant. Sûr. Bah, voilà, mais c'est bon, ça. Mais bon, après, je risque juste. Bah, c'est un BSR, hein, c'est qu'une 50. Non, mais peu importe. Peu importe. C'est 90 euros, quoi. Oui, il n'y a pas un problème à un moment entre la cylindrée et la vitesse à laquelle t'allais? J'ai pris de l'ARS 125 dessus. Ouais, bah voilà, donc c'est bien ça le problème. C'est qu'une 50. Ouais, mais je monte à 280. Bon, non, je comprends pas. Alors. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, Jérém, réfléchis un petit peu pour plus tard et fais pas des conneries. Ouais, je fais un pack ou pas? Que dalle. Ah. Si, un pack de merde. Oui, un pack avec le permis de conduire. Tu vas voir un petit livre, tu vas voir, étudie-le, ça sera pas de mal. Avec un permis de conduire. Voilà, okay. Non, enfin pas avec le permis, mais avec un petit livre pour apprendre à passer le permis et le code. Ah, je veux bien. Ouais, bah très bien, on va s'arranger, t'inquiète pas. Bon, Jérém, allez, sois meilleur la prochaine fois. Tu peux faire une dédicace? Non, faut pas abuser, hein. Va d'abord apprendre à rouler. Seulement si tu fais une dédicace à la police. Non, je fais une grosse dédicace à tous les agents. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Alors là, il fait plus son malin. Là. Ouais. Ah, t'as vu, là, il a essayé. Non, sérieux. Ouais, là, il s'est bien calmé, là. Il s'est bien calmé. Là. Bon, Melvin. Ouais. Bon, on va vite l'appeler maintenant, hein, parce qu'on n'est pas en avance. On l'appelle maintenant. On a le top tweetos encore à faire, là, dans quelques minutes. Et puis, générique, bien sûr, etc. Donc, Melvin qui nous avait appelé hier parce qu'il avait 5 meufs. Il s'est pavané. Aujourd'hui, il s'est pris une patate par une des meufs. Et bien évidemment, c'est celle qu'il voulait garder. Alors qu'il nous l'aurait dit hier directement qu'il voulait garder celle-là. Ça aurait été vachement plus pratique. Donc là, on va essayer de l'appeler, Melvin, hein. Bon allez, c'est... tu parles ou je parle? Je parle. Bon bah vas-y, Melvin. Enfin, je pense qu'on va surtout parler au répondeur. Oui, il y a de fortes chances, oui. Il y a Koubra qui dit aussi, tu es très beau sur ta nouvelle photo de profil, comme d'habitude. Merci Koubra. Demain je me crèverai un œil. Pour être moins beau, tu as raison Mickaël. J'aurais plus de chance. Tu es enculé, toi. Allez Mathilde. Enculé, Mathilde, elle dort si elle a cours demain. Ouais, il y a des chances, ouais. En fait, il va l'énerver encore plus, là. Messagerie Virgin Mobile, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Ah bon? J'avais pas compris ça. Bon, bah, Melvin. Ouais. Bah voilà, hein, écoute, demain, tu te prendras encore une claque parce que les autres filles auront réentendu le bordel. Voilà, t'es mort. Et on te rappelle demain, on essaiera d'appeler Mathilde, mais plus tôt, hein, sois disponible plus tôt parce qu'aujourd'hui, tu l'as bien fait à l'envers. Ouais, ouais, on t'a attendu pendant. Hein, longtemps, on t'a là. Attendu, ça fait depuis 23 heures qu'on l'attend, là. C'est chaud, quoi. Ouais. D'accord. Plus ça, hein. Ouais. Bon, excuse-toi, Melvin. Ouais, bah, je m'excuse. Bah, t'es con, c'est nous qui t'avons attendu. C'est toi qui attends depuis 23h, Melvin. Oh là là. Bon, on va essayer d'appeler ta copine demain, on va essayer de sauver les meubles. D'accord? Ok. Bon. J'ai un truc à demander. Demande toujours. Est-ce que c'est possible de gratter un petit iPhone? Attends, laisse-moi réfléchir. Tu es enculé, toi. Voilà. Voilà. Mais ouais. Bah, je peux t'en envoyer en mousse si tu veux. Ou en bois. Ou en bois, ce sera plus facile à gratter, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, ouais. Non, Melvin, de toute façon, on en a plus dans les affilés dimanche. Vous pouvez écouter le double fun, ça peut tomber dans tout moment, mais pas maintenant, je peux te dire dans le direct. Hein. Ok. Donc voilà. Bon, bah désolé, Melvin. Hein. Ouais. Bon, allez, t'inquiète pas, demain on va te récupérer ta meuf. Tu préfères ta meuf ou l'iPhone? Ma meuf. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est dommage parce qu'on avait un iPhone là. Ouais. Ah bah, on voulait en trouver un sous la table, donc. Bon, bah, Melvin, on te rappelle demain, d'accord? Ok. Allez, bonne nuit, hein. Salut à toi, Melvin, ciao. Ouais. Allez, bye. Oh là là là là là là là là. Ça va aller, demain il sera mieux. Mais ouais. Hein. Mais oui, demain il sera mieux. Grégory qui dit pas que t'es un motard vieux parce qu'une moto et une mobilette c'est différent. Ah, pourtant, Toff est un grand motard. Non, un grand mobilettiste. Un grand motard, je trouve, avec sa belle moto. Mais... en bois. Il y a JC qui dit Yannick, il faut vraiment pas aider, il a dû être bercé trop près du mur. Il y a Lilou qui dit Melvin demande à Valentin, oui ça peut être une bonne idée. Kylian qui dit oh la petite cloche, moi aussi je dis voilà. Ah oui, ça c'était tout à l'heure, ouais. C'est un vieux message ça que j'avais pas eu l'occasion d'effacer, effectivement. Bon, top tweetos. Allons-y. Alors attention, on y va, top tweetos, attention, on se fout pas de... J'ai perdu mon micro. On se fout pas de notre gueule, attention c'est parti. Alors donc cinquième, Nadia 90 27 89 43. C'est le numéro de téléphone. Je sais pas. Peut-être c'est mensuration. Ah, écoute, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ouais, Touchman qui a failli nous quitter, hein, puisqu'il est quatrième alors qu'il était premier tout à l'heure. Non. Ouais, ouais. Ensuite, God Bless Holly. Ouais. Et deuxième, Fullness Hope. D'accord. Et number one of the number one. Let motherfucking beat freaks. Yeah. Encore. Bon, bah, c'est dingue quand même, hein. Ouais. Bah oui. Bah oui. Elle était deuxième, elle a encore réussi à terminer première. Alors que celui qui était devant, il est repassé quatrième. Et bon. Oui, c'est clair, c'est clair. Bon, bah, et bravo en tout cas, Let's Be Freaks qui est remonté en l'occurrence. Hein. Ouais, bravo. Bah oui, c'est ça, qui est remonté au numéro 1 top tweetos. Bon, bah, on va le couvrir demain pour la dernière de la semaine. Hashtag Mickaël, n'oubliez pas évidemment. Merci d'ailleurs évidemment à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Il y avait Clara ici, il y avait Let's Be Freaks, il y avait Let's Be Freaks, il y avait Le Prasedia, il y avait Kylian, il y avait Yumi Chouchou, il y avait Kawette, Julia également qui était là, il y avait Dédé, il y a eu plein de nouveaux également ce soir, vous avez été très nombreux à débarquer ce soir sur le Facebook et sur le Twitter, il y avait Denis également, Poupette, Tony qui est encore là d'ailleurs, il y a le Koala qui vient de leur tweeter, je pense que j'ai sorti comme connerie encore, voilà. Et oui c'est ça, Fabienne également, il y a Snourky, Laurent, Didier, et je vous rappelle évidemment et plein d'autres, hein, que si vous me faites un petit follow, et bien moi aussi je vous follow bien entendu. Bon, on y va maintenant pour le générique. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. 3, 4. Ah non, stop. Ah merde, on a perdu. Le standard est déjà vidé. Hein. Tout a été nettoyé. Là, je voulais prendre Justine, déjà ne fût-ce que pour lui dire au revoir. Hein, mais c'est fini, c'est trop tard. Allez hop, on y va. Ferme ta gueule de verre, toi l'enculé. Tes bites te sucer, toi l'enculé. Enculeur, non, t'encules comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Donc t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir, ou bien manger. T'as pas vu ton nom toute la journée. Enculé de ta mère, t'es. Espèce d'enculé, t'es. Bah va te faire enculer, connard. Qu'est-ce qui se passe ici? Va t'archer ta meuf, là, encule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Quel cochon de mort. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? Toi l'enculé. T'es une grosse salope. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouges des pisseurs, te sucer, toi l'enculé. Ça va te faire enculer, toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Allez, Léo. Suce ma bite. Ah bah voilà. Eh ben elle est arrivée, elle est repartie comme chaque soir. Bon ben bonne nuit tout le monde, on se retrouve demain à partir de 23h pour la dernière évidemment. Bonne nuit, à demain, ciao. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. On Fun Radio. J'ai oublié de pousser sur un bouton, excusez-moi. Bon, et il y a évidemment Jay qui est là hein, comme chaque soir là. Allez, King, comment ça va night. En pleine forme. Ça va? Bah ma foi plutôt pas mal. Moi c'est pas J, hein, c'est putain, JB, mais parce que JB. Oh là là, mais c'est non, parce que je suis perturbé, moi j'ai plein de boutons et puis en plus il y avait lui là. Mais t'es enculé, toi. Ah, tout le monde est là, voilà, c'est ça. Quoi, J, ça te pas mal. Bruno, on va l'appeler Jérôme. Ah oui, ça je voilà. On va l'appeler Jérôme, ce sera le nouveau nom maintenant de JB. Ouais. Hein. Bah, comme vous voulez. Jérôme. Jibrome. Faut essayer quoi. Jean-Bite. Tu parles de notre patron là? Non, JB pour Jean-Bit. Ah, d'accord. C'est Bruno Guillon qui m'appelle Jean-Bit. Non, si. C'est mignon. Jean-Bit. Mais c'est pas Bruno que tu fais. Mais non, mais vous non plus. Mais si. Ah si. Ah non. Ah si, je suis désolé. Non. Attends, et demain vous l'écoutez à faire. Hey, salut. Salut la France. Ouais. Là, tu le fais bien. Ouais. Non. Salut la France. C'est Bruno Guillon. N'empêche, s'il est malade, un de ces quatre, tu peux éventuellement être son sosie officiel. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. Bon, faut essayer. Je vais me proposer. Bah ouais, très bien. Bah, parfait. Mon Dieu. On écoute quoi ce soir? Ah, il dit jamais ça ce soir. Pour les Français. Ouais. Du son d'Enflore. Oh là. Bon, mais Bruno tout à l'heure, hein, le vrai bien sûr, hein, pas l'usurpateur, enfin pas un des usurpateurs, à partir de 6h sur Fun Radio avec le remboursement des factures comme d'habitude, hein, avec l'alerte anti-relou, avec certainement Toff qui sera un moment ou un autre dedans. Bien sûr, comme d'habitude. Faites attention, tellement relou qu'à mon avis il va terminer dessus, très certainement à mon avis. Bon, bah, bonne nuit, en pleine forme, je vais jusqu'à 6h du mat. Oui, bah, c'est parti là. Tu veux un message de bienvenue? Allez, vas-y. T'es une grosse salope. Ah, ça m'excite. Ah ouais, tant mieux. Bon, on va se quitter avec quoi? Ah bah, est-ce que tu veux? Me dis pas ça. Parce que sinon je serais obligé de dire à Lucas, le sous-chef au niveau de l'échelle, que tu as mis un titre qui n'était pas programmé. Non mais c'est pas grave. Tu t'en fous? Oui. T'as pas peur de Lucas? Non, enfin si. Non mais ben, voilà, on peut se faire plaisir une fois. Ouais. Ça va, c'est pas grave. On peut pas se faire plaisir mille fois. Avec une personne, et une fois avec mille personnes. Exactement. Bon, et si on mettait Katy Perry, mon ex, voilà, comme ça, je lui ai promis, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, elle m'a saoulé encore, elle voulait que je revienne, je lui ai dit écoute, on arrête ton cinéma. Elle est morte, non? Katy Perry, bah non, elle est pas morte. Si, elle a péri. J'y vais. Je bah, pense alors que je vais démissionner. Hein, Mais on est obligé de travailler sur la même radio que lui. Je vous souhaite une bonne nuit, surtout bon courage. Rassurez-vous, 4 heures, ça passe vite. Hein, et puis ces speakers seront entourés de musique. Donc bon, au final, ça devrait bien se passer. Allez, walking on air. Allez. Hein, c'est ce que va faire JB jusqu'à 6 heures du mat. Ça va bien se passer. Hein. Oui, ouais, ça va aller. T'as pris tes petits médicaments? Ouais. Allez, laisse les médicaments, tout va bien. Et bonne nuit tout le monde, on se retrouve demain à partir de 23h sur Fun Radio juste après le VinFun. Ciao tout le monde, c'est Katy Perry maintenant et walking on air. You're giving me sweet, sweet ecstasy.